couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 3. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à notre adresse email dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez aussi participer au forum eelb.su, Europe Écologie des Brins. Nous avons procédé à la validation, à l'activation des comptes qui ont été enregistrés récemment. Alors, il y a un gap de temps, on s'en excuse. Si vous êtes inscrit ces derniers jours, veuillez vérifier que votre compte a été activé. Ça devrait être le cas. Toutes nos excuses pour le délai. La nouvelle adresse du site est dempart.website. Donc website, W-E-B-S-I-T-E. Voilà, notre nom de domaine est régulièrement interdit en France sur ordre du gouvernement et bien évidemment de ceux qui se trouvent derrière. Je ne vous fais pas un dessin. Sont avec nous cette semaine plusieurs participants, bien sûr. Ce mois de janvier est très coloré, parce qu'on a toujours un peu la même petite équipe, très bien, très dynamique. On commence avec Nogarès. Salut Nogarès, j'espère que tu as la banane, Nogarès. Salut Gandalf, la banane, la pêche. Tous les fruits. Jean aussi est avec nous, Jean Bureau, hein, est aussi à l'artificier de son état, est avec nous aussi pour tirer à boulet rouge sur les gens que nous n'aimons pas trop. Hein. Salut Jean. Salut Gandalf, salut Hetz. Alors messieurs, je vous propose de commencer cette émission. Alors avant, je vais quand même rappeler que l'émission est bien sûr financée par les dons, le site aussi, le forum également, uniquement par crypto-monnaie, en Monero, guide explicatif présent sur le côté droit du site, sur démocratie participative, tout est expliqué. Vous n'avez qu'à vous y reporter pour avoir... pour savoir comment nous soutenir si vous le souhaitez. C'est notre seule façon de fonctionner. Je lance un amical salut à Éclaireur qui nous soutient aussi ce mois. Ça fait de la différence, hein, Éclaireur, comme tu le sais. Donc, merci à toi. Ça compte. Sinon, on n'a pas eu de message d'autres donateurs. Évidemment, il y a des gens qui nous font des dons, mais qui ne nous envoient pas de message. C'est à la liberté, à la libre appréciation de ceux qui nous soutiennent, si vous souhaitez ou non nous envoyer un message par email en cas de don. En tout cas, voilà, par Monero, si vous souhaitez nous soutenir. Je vous propose sans transition aucune de commencer notre première rubrique, autisme radical. Alors ça a fait causer cette semaine, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est l'évolution du langage français, hein, avec ce qu'il est convenu d'appeler la, je cite, mode du quacoubet. Et là, nos auditeurs, pour la plupart d'entre eux, sont absolument perdus, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Alors un bref rappel et on se retrouve. Madame, comment s'appellent les habitants du Québec? Les Québécois. Ok, Quoi coupé? C'est la traîne du quoi coupé. Quelqu'un dit quoi, tu dis quoi coupé. Et vous faites ça quand du coup? Parce que c'est la traîne sur TikTok. Oui, la rue Erreur, c'est ça. Quoi? Quoi coupé. Vous savez vraiment? Quoi? Quoi coupé? Quoi coupé? Quoi coupé? Ils s'amusent à jouer avec les mots. En gros, les enfants nous posent des questions et quand on répond, alors souvent en parlant une sorte de langue étrangère inventée, et quand on répond quoi, ben ils répondent coiffeur, quoi-coubaï. Ils rebondissent en fait sur ce qu'on répond. J'ai l'impression que c'est beaucoup cinquième, quatrième plutôt. Ça nous fait rire parce qu'en fait tout le monde le fait. C'est comme quand ils disent apayang. Apayang. C'est un autre truc de quoi-coubaï. Quand tu dis un, après tu dis apayang. Être moins deux, ça fait combien? Un. Incroyable! Et ça fait combien de temps que ça existe, ça? Une semaine. Ouais, là, ça fait depuis une semaine. Dans un mois, je pense environ. C'est parti à cause du mec La Vache. Un TikToker qui s'appelle La Vache, parce que c'est moi qui l'ai répondu dans toute la classe. Mais non, c'est vrai. Peut-être pas un quiproquo, Maïlis? Quoi? Quoi coubé, disait l'idée. Quoi? De quoi coubé, disait non. Est-ce que t'as déjà fait le bord du bâton ou pas? Est-ce que j'ai fait quoi? Le quoi coubé d'un débit. Vous avez vu le truc qu'il y avait là-bas là, non? Quoi coubé? Justement, c'est plus en cours. C'est plus en cours. Lui a été exclu. T'as été exclu à cause de ça? Oui, elle m'a dit comment? J'ai dit comment dans les morts. Et est-ce qu'ils comprennent les profs? Bah non, non. Monsieur, vous allez cramper vous. Un pain, quoi? Et vous en pensez quoi, vous, en tant qu'enseignante? Vous avez ça en classe qui se passe ou pas? Oh, un petit peu, mais c'est pas méchant. Voilà, si ça n'empêche pas de travailler, il y a une sorte de communication qu'on ne peut pas empêcher, et c'est bien qu'elle existe aussi. Elle me demande à quoi? Je réponds quoi couper, quand je suis ganté, tu vas t'occuper. Je veux découpler, veux s'accoupler. Dis-moi, t'es vrai, y'a quoi? Y'a quoi couper? Alors, et vous aurez remarqué plusieurs choses, je pense, avec le phénomène du quoi couper. Mais je laisse nos participants le faire découvrir peut-être à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qui revient de manière assez caractéristique dans cette mode? Est-ce que vous pouvez vous en faire les interprètes? Est-ce que c'est possible? Les nègres, pour le dire simplement. Effectivement. Oui. Effectivement. Disons que voilà, c'est, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, hein, mais quand on commence à changer de peuple, bah on commence à changer d'expression, de langage, etc. Enfin, si on peut appeler ça un langage. De QI aussi, et donc du coup, oui, bien sûr, tout ça est lié, oui. Et donc du coup, on se retrouve avec des situations comme ça où, alors si j'ai bien compris, c'était une espèce de langage d'Afrique qui était repris chez nous, diffusé par les plateformes de médias sociaux, etc., et qui plaisait très très fortement à notre jeunesse. Alors c'est bien aussi parce que au-delà de cette vision du grand remplacement, ce cauchemar, on voit aussi tout le mal que se donnent nos enseignants pour maîtriser ce genre de phénomène. Je leur souhaite bien du courage, parce que c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Ah vas-y, explique là comment ça les enseignants. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, j'aimerais comprendre. Oui, je veux dire que en fait, c'est le genre de phénomène où les jeunes, du coup, s'intéressent à ça et ils s'amusent à le faire en classe entre d'autres conneries. Donc, du coup, on se retrouve avec des classes où le seul objectif de ces jeunes, c'est de perturber le cours, etc. Ça va toujours dans, on va dire, dans la déliquescence de plus en plus avancée de l'enseignement qu'on produit dans ce pays, où, enfin, je ne sais pas, mais moi, à mon époque, il ne nous serait jamais venu l'idée d'interrompre un cours pour faire une vidéo en déclamant ce genre de conneries. Oui, bah, oui, enfin, déjà, il n'y avait pas de téléphone portable où on pouvait se filmer, je veux dire... Oui, tout à fait. Ça change beaucoup de choses hein, quand même. C'est vrai que l'interdiction des téléphones portables dans l'enceinte scolaire comme l'interdiction des clubs, ça serait peut-être pas plus mal. Si tant est qu'on puisse encore faire régner une interdiction dans une enceinte scolaire en France, qui me paraît être complètement adossée à la composition ethnique de la population scolaire concernée. Mais voilà, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, grand. Jean, ou enfin je sais pas, ou Nogared, au moment que t'es pas été sur sur ce truc-là. Non, c'est bon. C'est juste là en fait l'aspect scolaire. Toi, tu dis voilà, en gros voilà, ils veulent faire les malins. Et changement de peuple. Ah oui, bah ça oui, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Jean, éventuellement. Oui, alors c'est la semaine dernière, nous avons conclu sur le bon docteur Louis-Ferdinand Céline, et ça me fait penser à son fameux texte sur la course vers Haïti. Donc on y est là, tranquillement, le français se haïtise comme la langue qui parle là-bas, qui est un simili de français. Donc bah voilà, les effets sont les mêmes. Donc ça me fait penser aussi que la BBC en Angleterre a créé des pages avec que tu peux traduire les articles dans une langue négroïde, oui, qui est en fait de l'anglais. C'est le pidgin, hein. Ouais, de l'anglais. C'est du petit, en fait c'est du petit nègre, hein. C'est du petit nègre en fait, ouais. Petit négrifié, ouais. Ah, donc voilà, c'est ce qui arrive en France tranquillement, on va vers ça, et donc là les journalistes en font leur chou gras, ils sont contents. Ah non, mais ils sont enthousiastes, ça c'est ça le truc, ouais. Ouais. Oui, moi, et c'est... donc bah j'imagine qu'ils vont très bientôt se lancer des œuvres de littérature française en petit nègre, en soi-disant, ils appellent ça du français moderne, mais le français de Molière, il est parfaitement compréhensible pour des pour des français blancs qui ont reçu une éducation correcte. Il n'y a pas besoin de le réécrire dans un français moderne. Le français n'a pas tellement changé depuis lors. Donc progressivement, ben comme disait Nogaret, vous mettez des nègres et ben vous avez de la négrification de la société qui se fait. Oui, c'est ça. Bon, c'est marrant et tragique, ou tragicomique, comme on pourrait le dire, mais voilà, donc il y a un phénomène qui est le phénomène du remplacement ethnique, tout le monde l'observe, c'est devenu maintenant presque bateau que de le relever, donc il y a un remplacement démographique qui est en place, au profit de populations qui viennent bon, de la planète entière, mais singulièrement du monde africain. Évidemment, les nègres étant les nègres, le nègre ne changeant pas magiquement en franchissant la frontière de la République française, ce que les républicains français ont du mal à cerner comme principe. Ils ont beaucoup de mal, ceux qui se revendiquent de la République. C'est la pensée magique, en fait, si vous faites attention. Hein. C'est la pensée magique, c'est la République, etc. C'est vraiment un ersatz de religion, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il t'explique que quand le nègre sort de sa jungle, franchit la frontière de la République française, tout d'un coup, il se transforme en citoyen. Voilà, il est légataire des droits de l'homme, et tout d'un coup, il est illuminé et se transforme en citoyen, porteur des valeurs de la République. Non, ça reste juste un nègre. Et donc... un singe. Voilà, donc en fait, ces gens-là, ils pensent que, dans leur vision prométhéenne, c'est vraiment un drôle de prométhéisme, mais bon, dans leur vision prométhéenne, en fait, ils tirent vers le haut l'Afrique, avec la démographie africaine qui vient s'établir en France. Et en pratique, ce que disent les gens de droite, en fait, on pourrait presque... Vous voyez, c'est le Jourdain qui sépare la droite de la gauche, j'ai envie de dire. C'est que la gauche pense que quand les nègres arrivent en France, la France tire vers le haut les nègres. Et la droite voit que les nègres tirent la France vers le bas. Vous voyez, c'est à peu près la ligne de fracture, hein, dans l'interprétation de la réalité qu'on vit. Et bon, bah là, on en a la démonstration. Alors, pour le coup, c'est le langage et c'est bête et con, hein, je veux dire, voilà, c'est des babouins qui font du bruit avec leur bouche. Mais voilà, c'est ça. Et j'ai voulu suivre un peu les réactions des journalistes, parce que les journalistes, vous savez, j'ai souvent dit, représentent une espèce, c'est la nouvelle classe sacerdotale, en fait. Ils ont remplacé l'Église catholique dans son rôle d'explication du monde, en fait. Donc tous les jadis, c'était tous les dimanches que les masses paysannes allaient à l'église écouter le prêtre. Expliquer le monde en chair, Et aujourd'hui, bah, c'est tous les jours, 24h sur 24, avec BFM TV, LCI, etc. Sans parler de la presse écrite ou de la radio, où on vous explique le monde tel que vous devez le comprendre. Et donc, j'ai été curieux de voir comment le nouveau clergé, évidemment, dont les différents évêques, abbés, sont désignés par les juifs, hein, puisque c'est eux qui contrôlent les médias, c'est eux qui disent qui fait quoi. Et je voulais savoir ce qu'ils allaient me dire de ça. Comment je devais le comprendre? Est-ce que c'était une bonne nouvelle ou est-ce que c'était une mauvaise nouvelle? Et ils étaient unanimes pour me dire non, c'est drôle, c'est marrant, ça fait chez les jeunes. Ça, c'est marrant, ça, ils disent les jeunes. T'sais. Les jeunes, c'est juste le critère de l'âge. Que quand tu regardes les images, tu vois bien que le seul critère, c'est pas l'âge. Tu vois qu'il y a autre chose, quoi. L'âge, et c'est pour des raisons démographiques, c'est-à-dire que la natalité a passablement changé ces 40 dernières années en France. Mais il n'y a pas que ça, hein. Y a aussi la composition de la natalité, bien entendu. Et bon. Donc, il y a les images, il y a le son, en fait. Et les deux ne nous disent pas tout à fait la même histoire. Et voilà. Et donc, j'ai écouté, hein, voilà, on me disait, ah, c'est marrant. Et moi, j'étais pas tout à fait enthousiaste, en fait, face à ça. Hein. Bon, bah, voilà, j'étais encore une fois, j'étais un peu en rupture de banc avec les journalistes. Voilà. Donc, bah oui, donc les nègres ne sachant pas parler, parce qu'ils s'expriment avec des borborygmes, ils prennent la langue française, ils prennent des bribes de syllabes, ils essayent de faire des mots, ça donne des trucs bizarres. Et en fait, en 50 ans, ils te font un créole. Donc en fait, en France, on se met à parler créole, quoi. Alors, voilà. Alors, il faut savoir, alors, le créole, c'est marrant. Des gens se disent, c'est une langue et tout. Non, c'est pas une langue, hein, c'est du français mal parlé, le créole. Donc, par exemple, les Noirs des Antilles, ils voient une tronçonneuse, donc ils voient que ça coupe du bois. Mais ils maîtrisent pas le mot tronçonneuse, c'est compliqué. Donc, ils vont appeler ça « Gwokuto ».« Gwokuto », tu vois. T'es là, hein, qu'est-ce qu'il a dit? C'est voilà, ça, voilà, j'aimerais bien connaître cette langue. Non, il a dit gros couteau. C'est un truc qui coupe du bois, c'est gros. Donc c'est un gros couteau. Ah ok, d'accord. Et c'est comme ça, hein, j'exagère à peine. Le pidgin, donc en anglais, c'est la même chose. C'est de l'anglais mal parlé. C'est beaucoup par image, mais des images pour des enfants de 4 ou 5 ans, quoi. À peu près, quoi. Voilà. Alors le problème, c'est quand ça devient la norme linguistique dans un pays qui, jadis. Alors moi, je pose une question. Annexe. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de l'Académie française? Je vois des chômeurs en puissance. Alors généralement, ils sont très âgés, mais quand même. Ça sert à rien. Je veux dire. Ou alors, on va avoir une Académie du petit nègre. Comment ça va marcher, ça? Parce que là, le français qu'ils utilisent à l'Académie française, c'est fini, hein, c'est terminé. Là, nous, on en est à quoi couper, là. Hein. Donc, On fabrique des nègres à lunettes à tour de bras, donc on les mettra dans l'Académie française pour qu'ils continuent de moderniser la langue, au contraire. Ouais, mais Papa Ndia, il fait encore son monde parler français sans accent, tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux des vrais noirs, moi, tu vois, des noirs qui parlent avec des mains, tu vois. Voilà. Ben bon, bref, question est posée. On fait quoi de l'Académie française? Je n'ai pas la réponse, mais très certainement la question est posée. Hein. Ça, c'est évident avec ce nouveau français qui émerge. Tu parlais de Céline, bah oui, là, on voit le prophète, quoi. On voit le prophète. Ouais. C'est aussi prévisible qu'évident et malheureux. Enfin bon, voilà. Voilà pourquoi Koubé, Boomeristan, rubrique numéro 2, Boomeristan, toujours réforme des retraites, ça continue à tousser en France. Alors, on avait parlé du sujet des retraites sur le fond dans l'émission d'il y a 2 semaines, donc on ne va pas réaborder le problème sous le même angle, hein, l'angle fondamental, mais plutôt sous un angle pratique, parce que c'est un chiffre qui mérite quand même qu'on s'y intéresse, de quantifier les choses, c'est toujours intéressant quand on aborde un problème. Et alors, cette semaine, il y a eu un chiffre qui a émergé sur les réseaux sociaux, et les médias s'en sont emparés, et les fact-checkers s'en sont emparés, parce qu'il était quand même assez marquant. Et ils ont voulu vérifier. Alors, les baby boomers gagnent-ils deux fois plus que ceux qu'ils ont cotisé toute leur vie active? Est-ce qu'ils touchent en retraite deux fois plus que ce qu'ils ont versé au système durant leur vie active? Oui ou non? Et l'idée de base était que non, c'était grossiste, c'était faux, c'était pour attiser la haine des 68ards et plus, hein, n'est-ce pas? Et pas du tout. On écoute ce sujet et on se retrouve. La solidarité entre les générations, c'est sur ce principe que repose notre système des retraites. Mais pour certains, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La première vague des boomers touche aujourd'hui deux fois ce qu'elle a cotisé pendant sa vie active. Les générations suivantes ne peuvent qu'en rêver. Cet économiste dit-il vrai? Le graphique qu'il partage provient d'un rapport de France Stratégie datant de 2016. Cette courbe descendante représente le taux de récupération, à savoir le rapport entre la somme des pensions reçues pendant la retraite et le montant des cotisations versées en fonction des générations. Plus le point est haut sur la courbe, plus le retraité reçoit plus qu'il n'a cotisé. On constate que les retraités nés en 1960 bénéficient d'un taux de récupération de 200%, tandis qu'une personne née dans les années 2000 n'en touchera que 120%. Le constat de Maxime Sbahi est donc vrai. Une partie des baby-boomers touche le double de ce qu'elle a cotisé dans sa vie. Mais pourquoi une telle différence? Nous avons posé la question à l'un des co-auteurs de l'étude. Le taux de récupération, il a été le plus élevé pour les générations nées dans les années dans les 30 et 40. Elles ont commencé à cotiser après-guerre, donc où le régime de retraite se met en place. Hein. Et puis ce taux de récupération, mais il a diminué progressivement, lié au fait qu'il faut payer de plus en plus de pensionnés et de pensions de plus en plus élevées. Et c'est à partir des générations nées en 75 que ça se stabilise. Lorsque le système a été mis en place, les travailleurs devaient cotiser pour des retraités moins nombreux. Et les pensions étaient moins généreuses. Actuellement, le système est plus difficile à équilibrer. Les actifs d'aujourd'hui reçoivent donc effectivement moins que les baby-boomers par rapport à ce qu'ils ont cotisé. Alors, vous l'avez compris, oui, les boomers touchent actuellement deux fois plus que ceux qu'ils ont cotisé durant leur vie active. Tout en sachant que les boomers français sont les retraités les mieux lotis d'Europe par rapport aux actifs, puisqu'ils continuent de gagner plus que les actifs comparativement à tous les pays européens, sauf un, me semble-t-il. Mais les boomers français sont les plus heureux. Hein. Ils sont retraités, ils sont rentiers, ils touchent plus en retraite que les actifs qui bossent. Et en plus, ceux qui aiment à dire « oui, mais moi j'ai bossé, j'aime bien ce qu'ils disent. Oui, mais j'ai bossé toute ma vie, j'ai commencé à 16 ans, je comptais pas mes heures, je faisais 60 heures par semaine, j'aime bien ça. » Alors c'est sûrement vrai, hein, bien sûr, évidemment. Dans la masse des gens dont on parle, de la génération dont on parle, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas compté leurs heures, mais en général, les boomers qui ont vraiment bossé dur, ils ne vivent pas vieux, en fait. Hein, c'est ça le non-dit, c'est-à-dire qu'ils meurent assez vite. Et ceux qui sont en retraite et qui vont en vacances, etc., en général, ceux-là sont plutôt coulés douces en moyenne. Alors, c'est un chiffre spectaculaire, hein, quand même, deux fois plus de revenus en retraite que ce qu'ils ont cotisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez en dire? Nogaret, je sais que c'est un sujet que tu aimes, que tu affectionnes. En général, tu nous dis tout de suite, arrêtez de caricaturer, c'est pas vrai, les boomers sont traînés dans la boue par des gens comme vous, tout est faux. Hein, voilà. Alors je te donne la parole là, pour rétablir la vérité et défendre l'honneur des boomers agressés par les gens jaloux que nous sommes. Ah oui, c'est bien mon genre. D'ailleurs, j'ai pris mes calmants quand j'ai vu le sujet, parce que c'est une catégorie qui me met particulièrement sous tension. Mais comme le métier. Effectivement. Voilà. Exactement. Métier sous tension pour les boomers d'ailleurs, parce que c'est pour la restauration, etc. Donc voilà, j'ai à peine commencé que je remonte déjà. Ce que j'allais dire, c'est que c'est toujours pareil. C'est Cette catégorie, en fait, j'ai vu que sur Twitter, il y avait quelques comptes qui menaient une croisade justement sur ces questions. Mais c'est vraiment les catégories qui ont pu le plus profiter. C'est les catégories qui ne sont pas sur la réforme des retraites, etc. Et c'est aussi une catégorie qui parle tout le temps de solidarité entre les générations, mais pas dans leur propre génération, quoi. Quand on évoque la question de baisser leur propre pension, c'est impensable. De leur point de vue, c'est impossible de le faire. Ils ne l'envisagent même pas, puisque, bah, comme tu l'as dit, ils trouvent toutes les explications, et quand on leur remet dans la tête qu'ils ont cotisé deux fois moins que ce qu'ils touchent maintenant, ils se dérobent d'une manière ou d'une autre, mais ils ne voudront jamais passer à la caisse. Donc, mais ils ont eu la retraite à... Excuse-moi de t'interrompre, oui. Mais est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est même une discussion? Est-ce que c'est mis sur le tapis? Est-ce que les gens posent cette question dans les médias, à travers les médias? Les gens disent, mais attendez, soi-disant le système, il faut le financer. Bon, on a tous une opinion là-dessus, on en a parlé la fois précédente, mais est-ce que le sujet est simplement abordé? Dire, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre à contribution les retraités qui gagnent très bien? Alors, j'ai cru voir dans... Marianne en a parlé, je suis pas sûr, et Mediapart l'ont évoqué pour les plus riches, je crois. Donc, eux, ils ont toujours ce tropisme des riches qu'il faut surtaxer, mais non, effectivement, c'est quelque chose dans les médias, en tout cas mainstream, à part quelques personnalités qui l'abordent très rapidement, même sur les plateaux télé, la plupart. Voit ça d'une manière incongrue en disant non, mais c'est même pas dans l'équation. Ouais, donc le sujet n'existe pas, quoi. C'est hallucinant, hein, ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien entendu que les jeunes doivent raquer. En gros, c'est entendu. C'est ça qui est le point de départ de la discussion, quand même. Les jeunes doivent raquer pour les vieux, point barre. C'est le point de départ de la discussion. Maintenant, comment, combien, l'assiette, etc. Mais c'est ça, en fait, la discussion, quoi. Mais et comme, malheureusement, les nouvelles générations sont faibles politiquement, déjà, elles sont très peu politisées, elles sont très peu engagées politiquement, elles se font plumer. Parce que tous ces vieux boomers, là, ils ont été syndicalistes, ils ont été militants politiques, très souvent, ils ont du réseau, faut pas le nier. Médiatiquement, ils sont encore très influents. Je vois le père Duhamel, il est octogénaire, il est encore à la télé en train de pontifier, pour ne citer que celui-là. Enfin, c'est des gens puissants, je veux dire. Et je ne parle même pas du bloc électoral qu'ils représentent. Et en fait, face à ça, les jeunes, ils sont très inactifs, quoi. Je veux dire, alors qu'il est vraiment question de les plumer. C'est... Voilà. C'est ça, en fait, le but. Hein. C'est juste, voilà, on va vous plumer, et puis vous êtes d'accord, hein, voilà. Et c'est pour ça que je disais ça. Je m'interrogeais, parce que je suis pas tous les médias, donc tu peux pas nécessairement tout voir, mais je me demande s'il y avait eu un média qui avait le courage de faire entendre un peu une autre voix, quoi. De dire, voilà, mais ouais, en gros, la réforme, c'est forcément les jeunes payent plus pour maintenir le revenu des vieux actuellement, mais est-ce que c'est bien la bonne approche? Et visiblement, bah non, tu l'as dit, voilà, bon, en gros, Marianne a osé un article. Bon, c'est pas trop pourquoi. Peut-être pour les archives, pour dire, oui, non, mais à l'époque, on l'a quand même dit, voilà. Et Mediapart, c'est hyper biaisé, c'est-à-dire c'est les retraites des riches, donc ils vont même pas dire, non, il y a un problème générationnel. Ils vont dire, non, mais regardez, c'est juste là les 500 000 qui, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, voilà, il y a un demi-million de mains qui truquent le jeu entièrement, mais tous les autres, ça va, hein, rassurez-vous. Et c'est casse-pied, quoi. Moi, c'est casse-pied. À la fois, c'est une discussion qui n'en est pas vraiment une, mais enfin, bon, voilà. Mais c'est bien d'avoir ce chiffre-là, parce qu'on a au moins on a une visibilité quantitative qui se précise, quoi. Voilà, quand on te dit, voilà, les mecs, ils t'expliquent qu'ils ont trimé toute leur vie pour gagner ce qu'ils ont, et que c'est injuste de toucher à leur retraite, et que c'est la solidarité, blablabla. Quand on te dit, non, mais en fait, les gars, là, pour eux, ils ont gagné le loto, là. Tu dis merde, ouais, ok, d'accord, le jeu est complètement truqué, quoi. Jean ? Ouais, alors bon, c'est sûr que c'est un sujet difficile à ce niveau-là, parce que dans leur psychologie, on leur a pris des sous pendant toute leur vie, pendant qu'ils travaillaient, précisément pour leur retraite, parce que quand on fait ça aux gens, ils croient qu'ils capitalisent. L'astuce de ce système de Ponzi, c'est que c'est pas de la capitalisation, c'est de la redistribution. Donc chaque année, il n'y a plus d'argent à la fin et on. Enfin, ça dépend des caisses. Il y a des caisses qui sont bénéficiaires et donc qui investissent. Mais bon, de manière générale, tout ce qui est par exemple la fonction publique, que je sais que tu affectionnes beaucoup, Gandalf, c'est des gens que tu aimes, J'aime notamment à beaucoup les l'éducation fonctionnaires. nationale. J'aime beaucoup les fonctionnaires. Ouais. Et bah eux, je vais te surprendre, malgré tout l'amour que tu leur portes, leurs caisses sont systématiquement déficitaires. Alors, moi, j'ai lu récemment Je me demande que les pourquoi. prélèvements. Je me demande pourquoi. Ils sont très productifs pourtant. Oui, Les profs sont des gens créent de productifs. la richesse. On Hein? appelle ça des fonctionnaires entrepreneurs. Ils appellent ça comme ça, Ah la bon? fonction Qui publique. donc? Qui donc? Ah, je Qui t'assure qu'ils a réfléchissent dans les ministères. Oh! Ah ouais, ils appellent ça, ils disent, mais en quelque part, est-ce qu'un contrôleur de train ne serait pas un entrepreneur? Donc ils appellent ça fonctionnaire entrepreneur pour essayer de vendre au public que ces gens créent de la richesse. Ok. Non, mais tu serais surpris. Moi, j'aime bien aller dans les méandres du bolchevisme français. Je vais écouter des gens comme Bernard Friot, Frédéric Lordon, parce que Ah je oui, trouve que Lordon, oui. c'est toujours passionnant ce qu'ils ont à dire sur tous ces sujets-là. Oui, le Parce jésuitisme de que gauche pour justifier leur parasitage. Ça, c'est extraordinaire, ça, ouais. oui, t'as des gens, une fois de plus, on en parle chaque semaine, mais ils n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, ils n'ont jamais travaillé une seule seconde, et ils viennent t'expliquer, voilà, comment on doit organiser la société, il faut abattre le capitalisme, il faut arrêter de faire du tri sélectif parce que vous enrichissez les actionnaires de Veolia, et ainsi de Ouais, j'ai suite. Bon, entendu ça, ouais. J'ai bref. entendu Mélenchon, faut arrêter l'accumulation du capital aussi. Oui, l'accumulation du capital. Ah oui, il y aurait tellement à dire Alors, sur ce mot, ah bah sur ce non, mot mais. qui est fabuleux. Et alors, ce qu'ils aiment beaucoup aussi, c'est l'accumulation primitive du capital à travers les nègres. Ils croient que subitement, les Européens sont devenus riches parce que on a La transporté des nègres colonisation. à l'autre bout de l'océan, ouais, Ouais. et on a fait de l'esclavage, on leur a vendu de la pacotille. Et puis ça nous a rendus subitement riches au XXe siècle, au XIXe et au XXe siècle, on a fait des bonds dans le Ouais. développement et dans le niveau de vie, mais c'est tout grâce aux nègres. Bref, les baby boomers touchent des retraites gargantuesques parce qu'ils prélèvent 330 milliards d'euros par an pour faire tourner ce système. Donc entre autres, hein, parce qu'il y a encore d'autres prélèvements par-dessus ça. Et c'est un poids absolument énorme sur les actifs, sur les pauvres gens qui travaillent, les rares qui travaillent encore en France. Et en fait, j'aimerais qu'on imagine, parce que personne n'en parle, mais imaginons un couple qui s'installe, ils ont tous les deux la trentaine, ils veulent ou ils ont un ou deux enfants. Le poids que ça représente d'avoir des baby boomers sur le dos à financer. Ça fait des sommes colossales qui doivent leur filer tous les mois, alors que c'est précisément les gens à qui une société saine doit donner de l'argent pour qu'ils puissent vivre le mieux possible, qu'ils aient les meilleures conditions matérielles à fournir pour leurs enfants et même pour eux-mêmes, pour qu'ils aient un minimum de confort. On sait que les familles ont tendance à avoir le plus d'enfants, si elles ont, des bonnes conditions de matériel, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Le Troisième Reich l'avait très bien compris, et c'est comme ça qu'ils ont relancé la natalité dans les années 30. Et donc, j'accuse là, quand je vois des chiffres pareils, 2 fois plus, j'accuse les baby boomers de génocider le peuple français en lui volant tout ce qu'il a comme richesse qui lui permettrait de se perpétuer. Bah oui, c'est une équation assez simple, c'est où se situent vos priorités. Et on voit bien qu'on a un système aujourd'hui qui a inversé complètement l'ordre des priorités anthropologiques. Évidemment, pas que sur cette question, mais principalement sur cette question, puisque les vieux deviennent plus importants que les jeunes. Donc la perpétuation biologique du peuple devient secondaire. Donc vous avez une natalité en berne, avec l'immigration, en plus, de masse. Donc elle est en berne, la natalité française est en berne. Et ce qui anime les discussions publiques aujourd'hui, c'est comment va-t-on sauver les vieux ? Comment va-t-on sauver les vieux ? C'était la même discussion lors du Covid. Parce que, oui, mais les gens vont mourir, on a dit ça, les gens vont mourir. Non, non, c'est pas les gens, c'est les vieux, c'est les vieillards. Donc on a... Ils ont justifié leur séquestration des masses pour sauver des vieillards, plutôt que de laisser les lois de la nature prévaloir. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais, attendez, mais où se situent les priorités ? Et dans un système démocratique, dans un système comme ça, enfin, dans un système démocratique, les masses de vieux qui deviennent toujours plus importantes poussent toujours plus loin les priorités de la gérontocratie. C'est évident. Plus il y a de vieux qui votent, plus ils votent pour les trucs de vieux. Plus il y a d'allogènes, plus les allogènes, s'ils votent, votent pour les trucs d'allogènes. Et au bout d'un moment, là, vous avez les catégories dures, les histoires de droite et de gauche, ça ne veut plus rien dire. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'interprète, pour parler en termes clairs comme ça, à la population française. D'accord ? Oui, d'où Macron. En fait, Macron, c'est l'avènement final de la grande jonction vieux-allogène. Absolument. Absolument, il est cohérent dans son système, c'est du court-termisme pur, de l'opportunisme. Mais le truc, c'est que, bon, admettons, Macron, il joue sa carte. Et de toute façon, il n'y aurait pas Macron, il y aurait quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est un système. Ce qui m'interpelle, c'est le fait que les principaux assiégés, raquettés, parasités, saignés à blanc, ne se révoltent pas. C'est ça que je ne comprends pas. Oui, ils en redemandent, mais parce qu'en fait, il y a une spirale du gauchisme en France, et donc d'où les deux dont je parlais, la Friot et Lordon, c'est des genres de figures que les jeunes actifs, enfin bon, pas tous évidemment, il y a beaucoup d'actifs qui sont à droite et qui voudraient payer moins d'impôts, mais il y a un certain nombre de jeunes, ceux qui réclament précisément la retraite à 60 ans et ainsi de suite, en écoutant ces vieux bolcheviques, et ben ils sont en fait emprisonnés dans cette pensée de gauche. Qui leur fait se dire que ben leurs conditions de vie sont mauvaises précisément parce qu'on les taxe trop et que ils peuvent rien faire, ils ont aucune latitude entre les vieux et les allogènes, et donc il faut plus de gauchisme. Ouais, il faut taxer plus. Ouais, il faut plus de taxes. Voilà, il faut taxer plus, il faut leur donner plus. Donc en fait, on s'en finit plus et ils sont. J'aurais peut-être une autre hypothèse à ce sujet. C'est notamment parce que je pense que nos contemporains ne comprennent plus l'impôt. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impôt, ils voient l'impôt direct, mais ils ne voient pas l'impôt indirect. Or, l'impôt indirect est une des choses les plus importantes qu'ils payent. Et de ce fait... quand on leur dit qu'ils vont avoir encore plus d'impôts, etc., si c'est de l'impôt indirect, ils ne se rendent pas compte à quel point ça va les toucher. Et c'est quand les lois sont passées, c'est un petit peu comme l'inflation, etc., avant que l'inflation arrive, les gens ne s'inquiètent pas que Macron distribue de l'argent magique. Ils n'ont aucune vision au long terme, tout ce qu'ils voient, c'est leur porte-monnaie à l'instant T. Et je pense qu'il y a vraiment, ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce qui va leur arriver dessus, et c'est quand ça va leur arriver dessus que là, ils se plaindront. Ah ben ça c'est la psychologie des foules, ça. C'est pour ça que il faut vraiment le dernier des cons pour être un démocrate, c'est-à-dire de prêter à la foule quelque forme de sagesse que ce soit. Franchement, faut être né de la dernière pluie, quoi. Je veux dire, les gens sont idiots. Faut être issu du rang du peuple pour le dire. Hein. Je veux dire, aucun des gens qui dirigent ne dirait ça. Hein. Mais un mec qui vient du peuple, il peut le dire sans trembler. Le peuple est con. Le peuple est totalement con. Il est stupide. C'est-à-dire qu'ils n'ont mal que quand le marteau est tombé sur le pied. Vous voyez, c'est le marteau va tomber. Vous le voyez, il est en haut de l'étagère, il commence à bouger. Oh là, ça va mal finir. Non, non, non, tout va bien. Il tombe. Non, ça va. Et là, paf. Ah, salaud. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Les politiciens savent ça très bien. C'est-à-dire que les démocrates accomplis savent que la démocratie, c'est de la merde. C'est ça que les mecs captent pas. Ils savent que c'est de la merde. Ils comprennent à quel point les gens sont idiots. À quel point il n'y a pas plus efficace comme système d'encadrement des foules que les élections. Longuement préparées à l'avance par les campagnes médiatiques, etc. Les sophismes, etc. Tout est préparé à l'avance. Et malheureusement, il n'y a pas de sagesse dans les foules. Parfois, il y en a un peu, mais en général, il n'y en a pas. Et les gens réagissent. Donc vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez avant, ils bougent pas. Et quand ça leur tombe sur le coin de la gueule, tout d'un coup, ils ont tous mal, ils hurlent, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est le salaud qui nous a fait ça, etc. Bah oui, mais bon, le mal est fait. Tu vois, c'est comme l'immigration. C'est caractéristique. Jean-Marie Le Pen leur disait, moi je voyais ça, je veux dire, je voyais cette espèce de tocard de Dominique Régnier, une espèce de vaguement de sociologue, je sais pas quoi, là, qui s'est lancé en politique, ça a jamais marché, là, dans la région de Toulouse, là. Le mec, quand il arrive à la télévision, là, il parle avec un air docte insupportable. Le mec a tout vu, tout compris, quoi. Bon. Je l'écoutais parler sur l'immigration, mais avec, vous savez, tous les termes d'enculeur de mouche pour pas aller au fond du problème, pour pas fâcher les gens, quoi. Oui, il va quand même peut-être falloir songer à réguler l'immigration. Tu vois, le mec, il fait des contorsions. Mais Jean-Marie Le Pen a tout dit il y a 40 ans. Donc, pourquoi ? Bah, Jean-Marie Le Pen avait raison. Il a mis les trucs entre les mains des gens il y a 40 ans, essentiellement d'ailleurs des boomers, quand ils étaient plus jeunes, donc. Les boomers, ils en ont eu rien à foutre. Rien à foutre. Ça les intéressait pas. Tu leur disais, mais la France va finir complètement... Ils ont rien à quel... Tout est expliqué. Jean-Marie Le Pen, il a fait une prise de parole en 1988, lors de la campagne présidentielle, dans laquelle il tient un discours qui est d'une netteté intégrale. Il n'y a rien à enlever, c'est simple. Il n'y a pas, d'ailleurs, d'excès de langage. C'est dans un très bon français, il n'y a pas d'outrance. C'est son message officiel lors du clip qui était financé par l'État français lors de la campagne. C'est parce que c'était comme ça la règle à l'époque. Hein. On avait le droit de... Enfin, un candidat qui avait dûment collecté ses signatures pour se présenter avait le droit d'avoir un clip et un temps de parole à la télévision. Et alors, il expose son truc. Ça dure à peu près 10 ou 15 minutes et il explique tout. Voilà, 1988, vous pouvez mettre ça en 2023, il n'y a rien enlevé. Il n'y a pas un mot enlevé d'aucune phrase. Bon, mais ils en avaient rien à foutre, les gens. Et je voyais Dominique Régnier, voilà, c'est, on en, voilà il essaye de dire la même chose, mais toujours en enculant les mouches. C'est-à-dire, il y a trop de bougnoules et trop de noirs. Voilà, il faut parler clair. Il y a trop de bougnoules et trop de noirs en France. Il est temps d'en enlever. Même pas d'arrêter ceux qui veulent venir. Il est temps d'en virer. Non. On n'a même plus ce type de discussion aujourd'hui. Hein. On est là, on tourne autour du pot, quoi. Voilà. Donc, c'est cette culture-là de... Ne pas dire les vérités telles qu'elles sont, parce que, voilà... Ça va fâcher des gens, le peuple il est pas prêt, vous comprenez, voilà, puis à force de comprendre, tu te fais entuber, quoi. Et c'est pareil sur les retraites, c'est-à-dire qu'en fait, c'était évident sur les retraites, n'importe quelle personne il y a 40 ans pouvait te prédire ce qui allait se passer sur les retraites. C'est simple, c'est de la démographie, c'est facile, je veux dire. Contrairement à beaucoup de choses qui sont complexes, avec beaucoup d'incertitudes, sur la question des retraites, c'est des questions démographiques, tu peux faire des courbes, c'est très facile à anticiper. Donc c'est ça, en fait, on voit bien que les démocrates sont des menteurs pathologiques, sont des vendeurs de tapis, ils se présentent aux élections en racontant n'importe quoi aux gens, en leur promettant monts et merveilles. Évidemment, les gens, dans leur immense stupidité et crédulité, sont prêts à acheter tout ce que ces bonimenteurs leur disent, parce qu'attention, ces bonimenteurs n'accèdent pas au pouvoir sans l'accord des électeurs. Hein, d'accord ? Donc c'est pas des coups d'État qui... qu'elle se livre, hein, les gens les mettent au pouvoir. Et en fait, c'est une connivence entre des démagogues et des cons. Voilà. Alors maintenant, voilà, ça y est, c'est bon, on commence à sentir le truc, la douloureuse se rapproche, ça fait bizarre à tout le monde. Ah, mais si on avait su, si on avait su. Moi, il y a 15 ans, je me suis présenté devant un banquier, j'ai discuté avec lui, par rapport à justement ces histoires de retraite. Et il voyait ma tête, et il voyait que j'étais pas très. Et monsieur, je pense que vous ne croyez pas réellement que vous aurez vraiment une retraite plus tard. J'ai dit non, pas vraiment, non. Vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Voilà. C'est que quand les types voient qu'ils n'ont pas affaire à des clients intégraux, bah, les mecs, ils se disent, bah, évidemment que vous n'aurez pas de retraite. Bah, faut pas être un dindon, quoi. C'est juste des additions et des soustractions. Bah, voilà. Mais bon, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, il y a des catégories qui abusent d'autres catégories. Il y a des catégories naïves, d'autres qui sont beaucoup plus cyniques et beaucoup plus dures en négociation. Et voilà, et les boomers sont d'un cynisme achevé, ces gens sont d'un cynisme absolument achevé, ils ont leurs représentants au pouvoir, c'est tout à fait clair, et ils sont sûrs de leur force, hein. Je voyais Bornstein, là, dite Elisabeth Borne pour les cons de Goy, qui dit la négociation est terminée, enfin le passage de 62 à 64, la négociation est terminée. Bon, il n'y a jamais eu négociation pour commencer. Mais voilà, je veux dire, c'est... évidemment, les Juifs sont là, ils sont... vous comprenez, c'est les intermédiaires avec leurs cousins de New York, hein, les créanciers de la France. Mais voilà, ils vous le disent. Ah, non, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous n'êtes pas contents, c'est les mêmes tarifs, quoi. Voilà. Mais il fallait se réveiller avant. Et malheureusement, les jeunes, ils sont cons. Voilà, c'est tout. Les jeunes, ils sont cons. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ils vont vraiment, les jeunes actifs, hein. Quand je dis les jeunes actifs, c'est ceux qui prennent le plus long, en fait. Mais même un actif, je veux dire, de 50 ans, ou... Et, je veux dire, c'est mal barré, hein. Je veux dire, c'est très mal barré pour lui, hein. C'est très très mal barré, hein. Mais pour un jeune actif de 25 ans, là c'est carrément fini. lui, c'est pas possible, quoi. Il a juste le droit de payer, quoi. Il a juste le droit de payer pour Karim... Et pour Robert qui est en retraite, qui a voté Mitterrand, quoi. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Hein. C'était une tirade un peu longue, mais je veux dire, on le savait, les chiffres étaient disponibles. Celui qui voulait savoir n'avait qu'à se renseigner. Et en fait, les gens s'en foutent, ils sont pas intéressés. Et quand ça retombe sur le coin de la gueule, on commence à se réveiller. Et évidemment, c'est déjà trop tard. Et ils aboient, mais ils ont rien fait, quoi. C'est ça qui est insupportable en démocratie, c'est pour ça qu'ils tiennent tant à ce système. Voilà ce que je voulais dire. Alors, messieurs, rubrique numéro 3, judéo-christianisme. Oui, judéo-christianisme. C'est Éric Zemmour, cette semaine, qui s'exprime et qui, après avoir défendu le maintien d'une statue, je crois, sur l'île de Ré de la Sainte Vierge, qui est présente sur la voie publique installée en 1983 et qui... Non, c'est l'île de Léron, je crois. Oh, je m'égare. C'est à la flotte Henri. Ah, autant pour moi. Voilà. Au moins, nous avons Jean qui est précis et moi qui suis imprécis. Mais bon, voilà, il y a une histoire de statut présente sur la voie publique, la Libre Pensée, qui est une organisation de gauche, de boomers, vraiment de vieux, hein, noyautée par les trotskistes, qui fait du zèle pour envoyer toute trace de catholicisme, etc., qui veut enlever la statue. Alors, Zemmour en a fait des caisses, etc., voilà, ils font du bruit. D'accord, ok, très bien, donc ça c'est pour le parti christianisme, mais il y a la partie judéo, hein, faut pas oublier quand même la partie judéo. Et là, il a fait une déclaration tonitruante, c'est pour l'anniversaire de l'Holocauste. Joyeux anniversaire. Oui, c'est l'ouverture d'un camp qui était vide par les Soviétiques, une histoire comme ça, dans la campagne polonaise. Bref, il est fan avec. Auschwitz. Voilà, la libération d'Auschwitz. Voilà. Voici la déclaration de Éric Zemmour. 6 millions de Juifs furent victimes de la barbarie nazie. Ne les oublions jamais. Voilà. Donc, c'était important quand même, hein, je veux dire, pour le mouvement Reconquête, de rappeler, hein, donc, que les nazis sont méchants. Hein, c'est important. Les blancs racistes, c'est pas bien. Ça met les gens dans des fours. Les juifs dans des fours. Hein, voilà. Et donc c'est voilà, 6 millions quand même, et il ne faut jamais les oublier, hein, toujours dans, voilà, c'est, voilà, gravé sur notre calendrier, le nouveau calendrier grégorien, hein. Bah, C'est peut-être, bon, c'était pas 6 millions, c'était moins, il y avait moins de juifs, mais en tout cas, ils étaient victimes de la barbarie nazie qui consistait à les faire travailler des travaux manuels, ce qui est parfaitement inhumain, comme chacun sait, de faire travailler un juif. Vraiment, ces gens étaient horribles. Faire travailler un juif pour le prix qu'il vaut. C'est ça qui est inhumain, en fait. Ouais. Mais comment dire, la déclaration, vous la jugez opportune, nécessaire, bien à propos? Est-ce que vous sentez peut-être une réorientation dans le discours public de M. Zemmour, qui, sur ce sujet-là, avait plutôt privilégié, non pas la contestation, ou même horreur, la négation hein, de l'indicible, mais défendu le maréchal Pétain en disant qu'en fait il aimait bien les juifs, en fait Pétain, voilà, il n'a pas vraiment voulu les pousser dans des trains, voilà, c'est un malentendu, voilà. Comment vous interprétez ça? Est-ce que vous pensez que c'est effectivement c'est un recentrage? Comment vous avez réagi en voyant cette le seul de la journée, d'ailleurs. Ce jour-là, je veux dire. Il nous tanne chaque année. C'est vraiment aussi un passage obligatoire. C'est de rentrer dans le calendrier républicain. Il faut qu'on parle chaque année d'Auschwitz, blablabla. Alors que là, bon, c'est même pas un anniversaire en rond comme 75 ou 80 ans. Mais bon, je voudrais simplement dire deux choses. Donc, comme je l'ai mentionné, déjà, le camp était vide quand les soviétiques sont arrivés, ou alors il restait que des éclopés, des grabataires, des gens malades, à qui, comme on le sait aujourd'hui, le choix avait été laissé de suivre les Allemands dans leur retraite face à l'armée rouge, ou de rester et attendre les soviétiques. Et la quasi-totalité des prisonniers en bon état ont suivi les Allemands. Bon, pour des gens qui les génocidaient, voilà. Notamment des juifs. Par exemple, Primo Levi l'a écrit dans son livre. Lui, il a eu le choix, il a décidé de rester, puisqu'il a passé, je ne sais pas combien, mais 6 ou 8 mois, les 6 ou 8 derniers mois avant la libération, tranquillement à l'hôpital du camp, puisqu'il avait été décrété malade, et donc il avait droit à une soupe chaude tous les jours, ce que bon nombre de soldats allemands n'avaient plus depuis longtemps en janvier 45. Donc, voilà, des gens qui perpétraient un génocide, qui exterminaient des juifs. Et là, cette date est assez incroyable qu'ils aient choisi ça, parce que c'est vraiment pas du tout une bonne date. Y a rien d'un génocide dans ce qu'on trouve. Je vais plutôt revenir sur, pas l'événement lui-même, mais la déclaration de Zemmour. Je pense qu'elle était nécessaire. Et finalement, ça fait le lien avec la rubrique précédente, c'est que elle était nécessaire pour montrer à tout le monde qu'effectivement, comme tu le disais très bien, Gandalf, les solutions ne viendront pas de l'opposition, hein, avec des grands guillemets, voire des grandes parenthèses, parlementaires. Voilà, on a un juif qui garde le mythe principal et fondateur de cette république, qui appelle même d'ailleurs à soutenir Macron sur les retraites, parce que apparemment c'était la réforme qu'il prônait aussi, qui appelle à l'assimilation, etc. Donc on a tout de ce qu'on pourrait appeler une opposition contrôlée finalement, où on a quelqu'un, voilà, il est là, il veut aussi avoir sa part au banquet républicain, et il rappelle les fondamentaux, hein, faut pas oublier ces victimes de la barbarie nazie, il ne faut pas les oublier, laissez-moi une place à la table, s'il vous plaît, j'ai faim aussi. Oui, c'est intéressant de faire la généalogie du parcours de Zemmour, parce que il y a un malentendu à ce sujet-là, chez certains en tout cas. Zemmour, c'est quelqu'un qui a commencé chez les gaullistes, auprès de gens comme Pasqua, lors de l'aventure souverainiste contre le traité de Maastricht en 1992. Donc il y a plus de 30 ans maintenant. Et c'est un gaulliste affirmé. Or, excusez-moi, c'est quoi De Gaulle ? De Gaulle, c'est le partisan d'une révolution de couleur au profit du bloc juif anglo-américain. C'est quelqu'un qui, au début des hostilités, en 40-41, explique aux autorités juives new-yorkaises, religieuses, qu'il va restaurer la puissance juive en France. Il le dit en termes clairs. C'est quelqu'un qui va permettre à la franc-maçonnerie d'opérer immédiatement sur le territoire français une fois que le putsch est réalisé à l'été 1944, quand il est arrivé en France dans les fourgons des Américains. Parce que c'est quelqu'un qui dit la collaboration, l'Allemagne, l'inacceptable alignement sur la puissance étrangère. Enfin, c'est pas les armées françaises qui ont libéré la France. Hein. Il est arrivé en France dans les camions des Américains. Il a fait son putsch avec qui ? Avec l'aide des communistes, qui comptaient dans leur rang de très nombreux juifs. Faut-il le rappeler ? Et tout ce système qui a progressivement dissous la France est le système hérité de 1944-1945 mis en place par De Gaulle. C'est absolument clair. Il a été à Moscou négocier avec Staline la mise en place de ce système. Les gens l'oublient malheureusement trop souvent. Donc la momie De Gaulle est un bandit. Et c'est redoutable parce que ce bandit se drape dans les drapeaux de la résistance nationale. Mais quelle force il a mis en mouvement en France ? C'est toutes les forces antinationales. Toutes les forces que De Gaulle a libérées en France sont des forces antinationales. Elles ont dissous la France. Le résultat se voit 80 ans après. Je suis désolé, on n'assiste pas à 80 ans de domination allemande en France. On assiste à 80 ans de domination de ceux qui nous ont dit qu'ils allaient libérer la France. Ah ben on le voit, ben oui, on regarde le bilan. Voilà. D'ailleurs, ils sont encore au pouvoir, les héritiers du gaullisme. Bon. Et c'est de ça que se réclame Zemmour, qui, je le rappelle, est un immigré juif d'Algérie. C'est pas un Français, Zemmour. C'est un immigré juif d'Algérie. C'est un étranger. À qui on a donné des papiers. C'est comme ça que ça commence l'histoire. Donc c'est un étranger, c'est un immigré juif d'Algérie qui se revendique d'un traître. Qui a libéré toutes les forces juives, les forces franc-maçonnes, bref, les forces du mondialisme en action. Ah. Bon. Ok. Bien. Et voilà, et donc ce gars-là, simplement parce qu'il s'est, il a été ardemment promu dans les médias pendant des années, alors que du temps de sa diabolisation, Jean-Marie Le Pen était interdit de visibilité médiatique. Et on voit bien que quand le Zemmour va poser en présence de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas du tout parce qu'il a de l'affection, que sais-je. C'est pour essayer de récupérer un peu de l'aura du transgresseur, Le Pen. N'est-ce pas ? Mais quand Le Pen était en action, il était interdit des plateaux de télévision le plus souvent. Le peu d'exposition médiatique qu'il avait, c'était parce que le pouvoir voulait bien lui en donner. Mais il était constamment diabolisé. Donc c'est un rapport de force complètement différent. Et le Zemmour, évidemment, il a su chanter sa petite chanson à l'oreille des blancs assiégés par toutes les masses du tiers-monde, etc. Voilà. Alors les mecs vont dire, oui, mais il est honnête, il aime bien la France, etc. Oui, mais c'est pas important, on s'en fout. Celui qui décide, ce n'est pas un monsieur, c'est une femme. C'est sa juive. C'est Knafo. Une autre juive algérienne. C'est étonnant, ça, quand même, non ? C'est bizarre, ça, non ? Le patriote Zemmour, il est quand même très communautaire, je veux dire. Je lui reproche pas. Mais je veux dire, c'est étrange quand même pour quelqu'un qui soi-disant est possédé par la France, hein, de ne pas avoir trouvé une Française. Tu vois, il a trouvé une juive. Donc c'est quand même très communautaire, donc c'est étrange. Donc ce mec-là, il a clairement un surmoi communautaire, d'accord ? Je ne lui reproche pas encore une fois, d'accord ? C'est pas un reproche. C'est logique. Un juif se comporte en juif, c'est normal. Simplement, là où l'erreur est commise, c'est de prêter à ce gars-là autre chose que ses penchants déterminés par son appartenance ethnoculturelle, d'accord ? Bon. Et malheureusement, beaucoup de naïfs se sont laissés avoir parce que un effet médiatique, une déclaration, un déplacement, Puis tout ce qu'il avait dit, qui peut être factuellement vrai, voilà, oui, bon, bah oui, voilà, c'est pareil avec Golnadel, quoi, voilà, hein, Golnadel, il dit, oh, voilà, là, récemment, là, il y a quelques youpins qui sont fait sauter à Jérusalem, immédiatement, alors que ce mec, je le rappelle, poursuit en justice la France, parce qu'elle a encore des possessions en Terre Sainte, je vous le rappelle, pour exproprier la France, l'État français, la France, de ses possessions en Terre Sainte. Ce sont des possessions patrimoniales. Le fameux tombeau des rois. Il veut faire chasser la France de Terre Sainte. Il est de connivence avec des rabbins extrémistes en Israël, ce Golnadel. Mais ça l'empêche pas d'être à CNews pour faire le super patriote français. Hein ? Et qu'est-ce qu'il a raconté pour cette histoire d'attentat dans une synagogue là-bas qui ne nous concerne rien ? Il a dit, voilà, ah bah oui, mais la Seine-Saint-Denis aussi est colonisée. Oui, la Seine-Saint-Denis est colonisée. Mais pourquoi faire le lien ? Pourquoi faire le rapport ? C'est ça, ces juifs. Ces juifs sont en train d'embringuer les blancs en colère du fait de leur politique pendant 80 ans, parce que nous assistons à 80 ans de domination juive dans les pays blancs, et donc d'immigration forcée par les intellectuels juifs et par les hommes politiques juifs, ils s'en sont jamais cachés, et maintenant que ça tourne au vinaigre, ils essayent de récupérer la colère des gens qui sont victimes de leur politique pour défendre leur colonie en Palestine. Ils jouent sur les deux tableaux. Et le Zemmour, quand il fait ce qu'il fait avec son histoire là de à dormir debout de chambre à gaz, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne non seulement des gages aux autorités supérieures de sa communauté à laquelle il doit allégeance, mais il dit bien aux Blancs, attention, attention, faut pas se gourer. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Et les Blancs doivent se sentir coupables pour Auschwitz et ils doivent ramper. Voilà la réalité. Voilà exactement ce qui se passe. Donc, ce n'est pas innocent. Hein, ce n'est pas innocent. C'est une réactivation de l'obligation, de l'injonction des Blancs à se sentir coupables pour cette histoire absurde de chambre à gaz. Parce qu'on pourrait y revenir. Bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on pourrait y revenir. Se sentir coupable et donc demander le pardon à qui ? Aux Juifs. Et les Juifs disent, d'accord, pardon possible, temporairement, mais à condition de. Et là, ils arrivent avec toute leur série de propositions. Ils vous disent, ah bah oui, bah, là, il faut soutenir Israël, hein, monsieur. Ah, oui, il faut soutenir Israël, hein, c'est comme ça, hein, voilà. Hein, vous nous avez fait tellement de mal, hein, voilà, bah, on a des sollicitations maintenant à vous proposer. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'était évidemment prévisible, et c'est toute l'affaire de ce Zemmour. Voilà. Et de sa juive. Et en plus, je le sais, parce que je le sais de première main, la purge a été intense durant la campagne présidentielle pour tous les éléments blancs qui ont été tentés de s'acoquiner avec lui, mais qui étaient soupçonnés de ne pas se prosterner avec assez d'obséquiosité au pied de la race juive. Donc je le sais de première main, on me l'a dit. Voilà, les gens sont venus me le dire. Voilà. Donc, c'est la réalité. Oui, Knafo s'est venu à saboter énormément d'initiatives pour effectivement virer tous les éléments blancs un petit peu trop dynamiques et qui risqueraient de faire de l'ombre à la race juive, effectivement. C'est des parasites en puissance, ces juifs sont des parasites. Donc, bah, je sais pas, pourquoi c'est très simple. La remigration, c'est quoi ? C'est une lutte pour la décolonisation de la France, par les allogènes, ok. Pourquoi c'est des immigrés qui sont en commande ? C'est très simple comme raisonnement. Pourquoi le parti qui se propose de libérer la France des étrangers est gouverné par des immigrés d'origine maghrébine, juive ? Pourquoi ? Ça colle pas, ça me paraît. Ça devrait être des Français, de race française, qui sera là aux commandes. D'accord ? Bon, s'il faut maintenant sortir de Saint-Cyr pour comprendre un truc aussi basique, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voyez ? Donc voilà, donc, encore une fois, voilà, mais voilà, c'est ça le truc. Moi, j'étais... Enfin, en plus, le Golnadel, quand il a sorti son histoire encore. Bon, il était en présence de qui ? De Julien Drey ! Le juif socialiste qui était avec Attali pour créer SOS Racisme, pour criminaliser les Français qui étaient déjà excédés par l'immigration dans les années 1980. D'accord ? Avec la main jaune et compagnie. Donc, la main jaune, en référence à l'étoile jaune des Juifs. Si t'étais contre l'immigration, t'étais un nazi en puissance. Donc, le Golnadel, qui nous fait son numéro, il est sur le même plateau que Julien Drey, dont la famille, et dont la famille de Golnadel, vivent en Israël. Qu'est-ce qu'ils foutent à squatter les plateaux de télévision ? Comment ça se fait ? Comment c'est... Oui, Bolloré. Oui, Bolloré. Tout le monde parle de Bolloré. Oui, mais Bolloré, il a un autre nom. C'est Goldschmidt. D'origine juive, Bolloré. Selon la loi juive, Bolloré est d'origine juive. Par sa grand-mère maternelle. C'est un juif. D'accord ? Alors, il peut aller à l'église tant qu'il veut. J'en ai rien à faire. Hein. Ça change rien. Hein. Il y a une solidarité raciale. Tout ce qui est juif, ça se passe par le sang et par la domination de la loi du sang. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, tu vois, le juif Drey, qui a passé sa vie au Parti Socialiste, là, à dégueuler sur les petits Français qui en avaient marre de l'immigration. Il en a fait une carrière, il est devenu riche grâce à ça. Sa famille est planquée en Israël. Golnadel, c'est la même. Alors lui, il joue le droit d'art, machin truc. C'est l'avocat de Zemmour. Vous voyez, les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer ? À quel point ils se font manipuler par ces juifs ? C'est ça la réalité qui se passe en France, sur tous les sujets. Donc voilà, les Français ne sont pas autorisés à prendre la parole pour défendre leurs intérêts en tant que tels. Et il y a des gens qui vont tapiner pour ça, à commencer par la Marion Hawke, qui est la fille d'un espion israélien, je le rappelle. Marion Maréchal, de son vrai nom Hawke, est la fille d'un espion israélien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà, on pose des questions, on n'a pas de réponse, quoi. Voilà, bon, moi ça me saoule, au bout d'un moment ça me fatigue, quoi. Voilà. Donc voilà, 6 millions de juifs. Morts. Tués avec de l'insecticide. Dans une pièce de 3 mètres sur 12 en Pologne. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de juifs, des centaines de milliers de juifs qui sont morts par mètre carré. Dans cette pièce. Fermée avec une porte en bois. Les corps se sont évaporés sans que personne n'ait le début d'explication du comment brûler autant de corps, d'où viennent les combustibles, comment fait-on cela avec si peu de fours crématoires, et comment se fait-il que qu'une technologie aussi efficace ait été perdue depuis ? Toute leur histoire s'effondre si on pose des questions. Et donc, les griffures sur les murs. C'est fatigant. Tu connais ça ? Les griffures sur les murs. Oui, oui. En béton armé. Oui, oui. On m'a fait le coup en cours d'histoire. Hein. Ouais, le prof nous a fait un schéma sur le tableau. Vous avez vu les victimes ? Alors, c'est reconnu officiellement que c'est... Enfin, les autorités du camp, du musée aujourd'hui qui gère le camp, reconnaissent. C'est pas vrai. Ils le disent, ils disent non, c'est pas les. C'est à cause des révisionnistes. Non, mais c'est pas vrai. Mais alors, du coup, c'est quoi ? Non, on sait pas. Tu veux dire les autorités du parc d'attractions ? Voilà, c'est ça, du Disneyland. Ouais, ouais. Et les gens aussi voient les fours, tu sais, les fours crémades. Mais ça a été construit après la guerre. Ça, c'est Forisson qui l'a su. Il s'est rendu sur place, il regarde les fours. Qui sont juste à côté de la chambre à gaz. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais ils sont à quelques mètres, quoi. Donc le truc est impossible. Enfin, je veux dire, scientifiquement, c'est débile. Tu fais pas ça. Tu mets pas une poche de gaz énorme et un four crématoire à quelques mètres. C'est pas possible. Avec des portes qui communiquent. Enfin, tu fais jamais un truc comme ça. Enfin, bref. Il regarde le truc. Il passe son doigt. Du gaz explosif. Il passe son doigt sur la porte du four. Il n'y a pas de suie. Il dit, mais il n'y a pas de suie sur ce four. Et le guide qui l'accompagnait lui dit, ben non, mais ils ont été reconstruits après la guerre. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Et après, c'est là qu'il a un coup de... Il explique ça très bien. Il dit, c'est là qu'il a un coup de génie. Il dit, ah bon, mais pour les reconstruire, vous aviez des plans alors ? Et le guide dit, oui, bien sûr. Et vous avez ces plans quelque part ? Oui, on les a, oui, je peux vous les communiquer, s'il vous plaît, si vous voulez. Et Forisson explique qu'ils avaient effectivement des plans, Et ils ont communiqué les plans originels, tout. Ils ont un peu tergiversé, mais ils lui ont quand même filé par courrier postal. Et c'est Forisson qui a révélé les plans originels de la fameuse chambre à gaz, qui n'a jamais été une chambre à gaz. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le plan, parce que c'est les plans allemands. C'est en fait, c'était une morgue. C'est là où en fait on mettait des corps en attendant d'être incinérés. Mais il faut avoir à l'esprit que c'était un camp avec une grande quantité de détenus. On était en pleine guerre, bien évidemment. Ces gens-là étaient mis au travail. Il y avait constamment des risques d'épidémie et parfois des débuts d'épidémie. Donc il y avait toujours le risque d'avoir des gens qui décèdent. Et le plus dangereux, et rappelez-vous, avec toute la folie covidiste, c'est ce qu'on a expliqué aux gens, avec les masques, etc., le plus dangereux, c'est d'être au contact de gens malades, bien sûr, à plus forte raison des cadavres. Donc l'obsession d'installation de cette nature, c'est de se débarrasser extrêmement vite de corps de gens malades. C'est une mesure sanitaire absolument impérative, n'est-ce pas ? Et je crois qu'avec le Covid, les gens comprennent un peu, ils ont vu beaucoup de gens défiler sur les plateaux télé, leur dire, est-ce que vous comprenez les risques, etc., toucher les gens qui sont contaminés, vous comprenez ce truc-là. Et donc la proximité dans les espaces clos et tout ça, ils ont vraiment insisté lourdement là-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et c'était vrai du temps de la peste au Moyen-Âge, hein, je veux dire, les gens avaient quand même compris, même si on n'avait pas toutes les connaissances sanitaires qu'on a aujourd'hui, les gens avaient quand même compris que les cadavres charriaient les maladies. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les cadavres ensemble dans des fosses communes et on les recouvrait de chaux, quoi. Et à l'extérieur des villages, d'ailleurs. C'est-à-dire contrairement à l'usage où les gens étaient enterrés au centre du village, autour de l'église, on les mettait à l'extérieur du village, les morts de la peste. Donc ils avaient quand même compris deux, trois notions par rapport à la maladie. Les gens n'étaient pas aussi... empiriquement, ils avaient quand même observé deux, trois choses, quoi. Et c'est bah dans un camp, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des cadavres, qu'est-ce que vous ne les laissez pas traîner, vous attendez pas, vous n'allez pas faire des rites religieux avec une messe, ou voilà, bon là, c'était des juifs, donc peu importe le rite en question, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Il n'y avait pas que des juifs dans les camps, d'ailleurs. Donc, vous vous débarrassez des corps très vite. Comment ? Bah, vous faites une crémation. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui a été décrit. D'ailleurs, des gens se sont amusés, juste pour mathématiquement, parce qu'en fait, l'Holocauste, c'est censé avoir duré, en réalité, hein, entre 41 et 42. Grosso modo, c'est ça. C'est entre 41 et 42, même si ces camps ont été ouverts plus tardivement. Mais grosso modo, c'est censé se passer essentiellement durant cette date. Et ils ont calculé, les révisionnistes ont dit, mais voilà, bon, ça prendrait combien de temps de gazer et incinérer ces gens ? Combien de gens il faudrait incinérer chaque jour avec les installations en question ? C'était des milliers de cadavres. C'était pas possible. Il n'y avait pas les capacités, c'est pas du tout fait pour ça. Donc en fait, c'est ça qu'a fait Forisson, c'est qu'il a été sur place, il a regardé, il a posé des bonnes questions, il a trouvé les documents d'époque, il a levé le lièvre. Bon, à la minute où il a levé le truc, bah, c'était fini, quoi, il fallait le faire taire. Hein. C'était plus possible, hein. Voilà. La clé de voûte qui saute, c'est plus possible, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça maintenant, on est dans la croyance, en fait. Moi, je vous le dis, bon, la plupart de nos auditeurs sont quand même assez versés là-dedans, mais demander aux gens, bon alors, ouais, ok, c'est d'après toi, c'était comment l'Holocauste, comment ça s'est passé? Ouais, on a gazé les Juifs. Ouais, mais comment? Tu peux me décrire le truc? Est-ce que t'as une idée de comment c'est passé? Là, les gens, ils sont perdus, ils savent pas. Ils répètent les conneries qu'ils ont entendues. Voilà, c'est ça la situation aujourd'hui, quoi. Donc les gars qui disent... Bah, on aimerait bien poser des questions, hein, dans un débat contradictoire, être technique, comme Vincent Renoir. Bon, bah, vous avez remarqué qu'on leur envoie pas des historiens pour discuter avec eux, hein, on leur envoie les flics. Hein, donc, bon, si vous voulez, ça vous met pas la puce à l'oreille, il n'y a pas grand-chose qui va vous réveiller. Hein. C'est tout. Hein. Alors, oui, ça c'est Pressac et compagnie qui nous ont raconté que, eh bien, il y avait forcément dans le toit de béton... quatre ouvertures, et qu'il y avait forcément des tubulures grillagées pour que ça puisse se diffuser et tout. C'est du pur roman. À propos de Pressac, protégé, c'était le protégé du couple Klarsfeld qui a publié son énorme bouquin qui pèse, je crois, 2,1 kg. Je me suis amusé à le peser. Hein, publié en 1989. Eh bien, le couple Klarsfeld, c'est la fondation Beat Klarsfeld qui a financé ça. C'est ahurissant, c'est un bouquin complètement ahurissant. Et alors, il a notamment, il a repris la formule du dénommé Forisson, et il a dit, une preuve, une seule preuve. Hein, c'est un titre de chapitre. Une preuve, une seule preuve. 39 commencements de preuve. Quelle naïveté. Hein, et c'est lui qui a inventé la thèse que j'appelle de la femme à demi enceinte. Oui. Oui, c'est ce qu'il appelait. Oh ben non, il disait non, il n'y a pas eu vraiment de ces gazages formidables, mais il y a eu quand même des gazouillages. Oui, comme le gazouillis des oiseaux, il y a eu du gazouillage. Et alors, bon, ça a été pendant un certain temps sa thèse, et puis un jour, il lui est arrivé un grand malheur. Eh bien, c'est que Forisson a exigé sa comparution à la 17e chambre. Je m'explique. Je l'attaquais pour diffamation. Bon. Serge Klarsfeld. Non, excusez-moi, pas Serge Klarsfeld, Pressac. Pressac, d'accord. Pressac, le, bon, d'accord. Qui était financé. Qui était financé. Bon, ouais. Très bien. Et j'ai fait dire pour mon avocat que si jamais il ne comparaissait pas, on lui enverrait les gendarmes pour le faire venir. Et moi, comme je n'avais pas le droit de poser de questions à Pressac, mais que mon avocat, Maître Delcroix, avait droit de le faire, j'ai préparé un tout petit topo pour mon avocat. J'ai fait ça très très simple, et voici ce qui s'est passé. Pressac apparaît au fond, je suis là, près du tribunal, et puis je vois qu'il est complètement paniqué. Il arrive et puis il commence à papoter avec un avocat qui est là. Et la présidente lui dit, mais venez là. Bon, très bien. Et puis, mon avocat lui pose la question qui tue. Monsieur Pressac, vous venez de publier un livre qui fait beaucoup parler de lui et qui s'appelle « Les crématoires d'Auschwitz », la machinerie du meurtre de masse, ou machin comme ça. Déjà, le titre est surprenant. C'était pas les crématoires. Oui, c'était des chambres à gaz. Bon, très bien. Monsieur Pressac, voulez-vous... il y a dans votre livre 60 illustrations. Montrez-nous une illustration qui puisse nous donner une idée de ce qu'était une chambre à gaz. C'est tout. Le malheureux, sentant qu'il se noie, dit à tout hasard, tac, celle-ci. Ah, mais monsieur Pressac, regardez, d'après vous-même, c'est une histoire de canalisation d'eau. Ça n'a rien à voir. C'est... Et alors, c'est là qu'il se tourne vers la présidente et qu'il dit, en levant les bras au ciel, « Madame la présidente, il faut que vous compreniez, je suis seul dans mon combat. » Et les larmes lui viennent aux yeux. Et la présidente, brave femme, lui dit, oui, mais enfin, monsieur Pressac, parce que l'autre lui parlait constamment de, comment ça s'appelle ça, de ventilation. Mais monsieur Pressac, un ventilateur c'est fait pour ventiler, alors une chambre à gaz. Ah, mais madame, vous me demandez, ça a été un désastre. Rentré chez lui, je n'ai pas su, moi, ce qu'il avait fait, mais je l'apprendrai 5 ans après. Ça se passait en 1995. Oui. En 2000, sort le livre de Valérie Higounet, avec à la fin un très long texte de Pressac que personne ne connaissait, et où, page 651, 652, en tout petit caractère, tout à fait à la fin, Pressac dit, eh bien voilà, le dossier tout hanté de l'histoire des camps de concentration est pourri. Pourri par trop de mensonges. Et il met ça, non pas sur le compte des juifs, mais sur le compte des communistes. Voilà, bon. Oui, à cause des Soviétiques, etc. Bon. Les Soviétiques qui avaient commencé à partir, d'ailleurs, quand ils ont découvert à Auschwitz qu'on y électrocutait les gens. C'était pas du gazage. Ouais, c'était pas mal. Hein. Et puis il y avait un tapis roulant qui amenait les cadavres dans les hauts fourneaux. Et toc, voilà. Mais il faut savoir, ils ont dit n'importe quoi au début. C'est à la fin que c'est la chambre à gaz qui a gagné sur l'eau, la vapeur, l'électricité et le reste. Treblinka officiellement, je suis désolé, document PS3311, les Allemands ne gazaient pas à Treblinka. Ils tuaient les Juifs dans des steam chambers. Des chambres de vapeur, c'est ça ? Des chambres à vapeur. Des chambres à vapeur. Des chambres de vapeur. Il y avait Ewell, un puits, pipes, des conduits, et boiler, une chaudière. Et puis tout ça allait vers les Juifs, et les Juifs étaient tués à la vapeur d'eau. Et même que par terre, c'était de la terre cuite et que c'était very slippery, très glissant. Très glissant. Et oui, les Juifs glissaient. Voilà. C'est une histoire ahurissante, ahurissante. Et c'est particulièrement odieux, puisque dès qu'on essaie d'exposer notre programme de rémigration ou de nationalisme blanc, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, on nous oppose immédiatement le Troisième Reich, l'Holocauste, on sait où ça a mené. Donc en fait, on n'est même pas autorisé à poser des questions sur ce qu'on nous reproche de défendre comme projet politique. Donc la seule possibilité par la loi, c'est qu'on n'a que le droit de se taire finalement, puisque c'est interdit de poser des questions sur ce sujet précisément, et que c'est systématiquement ce dont on nous parle quand on commence à défendre nos idées. Alors les amis, en lien avec la discussion que nous avions donc à propos de la déclaration, bon finalement, bateau mais révélatrice d'Éric Zemmour, pour prouver que c'est un vrai marqueur, parce que bon, moi je me laisserai jamais le répéter, dans l'émission quand Vincent y participait le disait aussi, évidemment quand on se lève le matin on pense pas à Auschwitz, et quand les dirigeants français se lèvent le matin ils pensent pas à Auschwitz, et on demande pas aux gens de penser systématiquement tous les matins de s'y référer. Ceci dit, et il avait toujours pointé ça du doigt avec raison, quand il y a un moment de crise, un moment de tension où il faut se positionner sur des fondamentaux, immédiatement, ça revient. Et j'avais trouvé cette observation extrêmement pertinente, mais au-delà de sa pertinence, nécessaire à avoir à l'esprit. Parce que sinon, on ne comprend pas bien l'importance de cette question de la religion de l'Holocauste, parce que c'est effectivement une religion. Et donc quand on s'y attarde, on pourrait dire oh, ils se font plaisir, de toute façon c'est des nazis, donc hein, voilà, hein, donc forcément bon, c'est un peu leur lubie, etc. Non, c'est simplement un constat social. C'est un constat social et culturel, pourrait-on dire. Voilà, c'est un marqueur crucial de la culture occidentale depuis 1945, d'accord. Et pour être validé, il faut se prosterner devant l'idole de l'Holocauste. Si on ne le fait pas en société, on est puni. Mais on peut être aussi puni par une nouvelle forme d'excommunication, parce que comme vous le savez, quand l'Europe était chrétienne et que la religion d'État en Europe était le catholicisme, l'excommunication valait mort sociale. Donc l'excommunication, c'était quoi? C'était l'interdiction de communier. Donc d'assister à la messe et de pouvoir recevoir l'hostie, hein, donc le corps du Christ. Donc on ne faisait plus partie de la communauté des fidèles, hein, de la communauté des chrétiens. On n'en faisait plus partie. On était un mouton noir et c'était reconnu et décrété par l'Église catholique. Ça avait des conséquences sociales extrêmement importantes. Hein. Être un excommunié, c'était vraiment être mis à la marge, au banc de la société. Et il y a plus d'un prince, plus d'un roi qui a été ou menacé d'excommunication ou excommunié parce que dans sa politique, dans la politique qu'il menait, il pouvait gêner le clergé, par exemple. Hein. Donc c'était souvent des histoires d'ailleurs de sous, hein, des histoires d'argent sur des questions de prérogatives fiscales ou autres. Et en fait, l'Église se servait de ça. Et comme à l'époque tout le monde était croyant, tout le monde était chrétien, l'Église avait un pouvoir considérable qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Qu'on n'imagine pas, puisque disons, enfin les gens ne croient pas en, rares sont ceux qui croient en Dieu ou au point de s'imaginer une sanction qui serait entre les mains d'une institution temporelle. Ils ne peuvent pas l'imaginer, sauf si soudainement ils font l'analogie avec le fait de dire que l'on ne croit pas au mythe des chambres à gaz. Et là, l'excommunication et son danger médiéval deviennent un peu plus discernables, hein, pour nos contemporains. Là, ils se disent « Ah oui, effectivement, je commence à comprendre ce que ça pouvait représenter. » C'est-à-dire que si vous dites « Voilà, non, je ne crois pas aux chambres à gaz », vous le dites publiquement. Hein, les sanctions sociales arrivent, pénales aussi. Je vous rappelle que c'est interdit par la force de la loi, hein, de douter. Non seulement de dire que vous n'y croyez pas, mais même de douter. Il est interdit de douter des chambres à gaz. Vous ne pouvez pas dire « J'ai un doute ». Un doute, c'est pas nier. Hein. Un doute, c'est pas nier. Bah, c'est interdit. Et donc, vous êtes traîné devant les tribunaux, mais je vous passe évidemment les sanctions sociales, licenciement, campagne médiatique pour vous traîner dans la boue, etc., traité d'infâme, etc. Donc là, les gens comprennent. Ils disent « Ah oui, d'accord, ok, oui, là, je discerne ce que pouvait être une excommunication au Moyen-Âge. Oui, j'arrive à peu près à comprendre. » Donc, le truc, c'est que maintenant, ça entre dans le jeu géopolitique. Et donc, quand Zemmour fait ça, hein, quand Zemmour fait sa citation, c'est pour éviter l'excommunication. Bon, évidemment, il risque pas grand-chose, mais je veux dire, c'est un exercice obligatoire. Et la Russie vient d'en faire les frais, comme nation. Ça, c'est tout à fait spectaculaire. Et j'ai jugé nécessaire de m'y attarder. Alors, on a quand même beaucoup parlé du sujet, donc on ne va pas trop s'étendre. Mais enfin, à l'échelle d'une nation entière, surtout nucléaire quand même, c'est pas rien. Et en plus, et ça aussi, on ne doit pas perdre ça de vue, elle fait encore partie de l'ordre ancien au niveau de l'ONU. Elle a un siège permanent au Conseil de sécurité, ce qui veut dire probablement qu'elle sera prochainement exclue de l'ONU. Quand on voit l'escalade rhétorique, politique, géopolitique, militaire, bon, la phase suivante, c'est évidemment l'effacement de la Russie. Avant d'être effacée comme nation en tant que telle, hein, organisée, il y aura l'effacement international à l'ONU. Je pense que c'est très clair. Et cette déclaration, ce qui vient de se passer, l'annonce. Alors, je vous livre cet article, il est assez court, c'est Le Monde qui s'en est fait l'écho. Chers auditeurs, écoutez cela. La Russie ne sera pas représentée aux célébrations du 78e anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, a annoncé mercredi 25 janvier le musée du site. Donc, le musée du site, sous-entendu, en fait, le site maintenant est administré par un musée. D'accord ? Compte tenu de l'agression contre une Ukraine libre et indépendante, les représentants de la Fédération de Russie n'ont pas été invités à participer à la célébration d'anniversaire de la libération d'Auschwitz cette année, qui doit se dérouler vendredi, a expliqué à l'agence France Presse Piotr Sawicki, porte-parole du musée. Le camp de la mort, j'aime cette expression, avait été libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945. Jusqu'à présent, la Russie avait toujours participé aux cérémonies qui se tiennent chaque année, le 27 janvier, son représentant prenant la parole lors de la cérémonie principale. Selon le directeur du musée, Piotr Siwinski, donc à ne pas confondre avec Piotr Sawicki, ce sont deux personnes différentes, il était évident qu'il ne pouvait signer aucune lettre à l'ambassadeur russe sur le ton d'une invitation, dans le contexte du conflit. J'espère que cela va changer à l'avenir, mais nous avons un long chemin à parcourir. La Russie aura besoin d'un temps extrêmement long et d'une profonde, très profonde introspection après ce conflit pour revenir, je cite, dans les salons du monde civilisé. Dans les salons du monde civilisé. Civilisation Auschwitz. D'accord ? Intéressant. A-t-il déclaré, cité par l'agence de presse polonaise, PAP. Donc il y a l'agence France Presse qui a relayé une partie de ses propos et l'agence polonaise qui en a relayé une autre partie. Le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février, le musée avait qualifié sur Twitter l'attaque russe, je cite, « d'acte de barbarie ». La dialectique civilisation-barbarie est déjà présente. Hein, « qui sera jugée par l'histoire ». Et ces auteurs, il faut l'espérer, par la Cour internationale de justice. Donc, sous-entendu, par un nouveau Nuremberg. D'accord ? C'est la déclaration des autorités qui administrent le camp d'Auschwitz. Donc, le Saint-Sépulcre de l'Occident. C'est le Saint-Sépulcre de l'Occident, hein, Auschwitz, hein, aujourd'hui. Hein. Bien. Alors, messieurs, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous voulez dire on voit bien, là, en l'occurrence, que les autorités du musée sont des autorités polonaises. Ce sont des autorités polonaises. Mais c'est assez intéressant de voir que les Polonais, et ils administrent le site, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, d'ailleurs, parce que finalement, les Juifs auraient pu être en droit de s'approprier le camp, en fait, hein, auprès des autorités polonaises, en disant, voilà, le génocide, le holocauste, donc il faut que ce soit des Juifs qui gèrent ça, etc. Alors, certains vont peut-être me dire, oui, mais c'est peut-être des Juifs d'origine polonaise, je ne sais pas. Enfin, ça m'a l'air d'être quand même des Polonais, et quand j'écoute la rhétorique, qui est reprise par les médias, ça sonne quand même très polonais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs de ce que vous entendez de cette interdiction pour la Russie de participer à la libération d'Auschwitz, et on nous fait comprendre, que c'est vrai cette année, ça sera vrai l'année prochaine, et comme l'a dit l'un des représentants du camp, pour de très nombreuses années. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Bien, je vais commencer. Moi, la première chose, c'est que, bon, à la lecture de ce message, on comprend que ce qui motive la décision des Polonais, c'est l'agression russe d'un pays libre. Bon, je pense que les États-Unis, il y a encore 2 ans, ils étaient en Afghanistan depuis 20 ans. Il y a toujours des troupes en Irak, en Syrie. Enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc visiblement, il y a des conflits autorisés, des conflits non autorisés. Qui détermine quels conflits sont autorisés ou non autorisés. Je pense que on comprend vite qui est derrière tout ça. La deuxième chose que je voudrais soulever, c'est effectivement la rhétorique du barbare contre la civilisation. C'est une rhétorique intéressante parce que chez nous, encore une fois, on l'utilise par exemple pour certains migrants qui font certaines exactions contre notre peuple, etc. On est tout de suite justement lancé dans le camp de ceux qui génocidaient à Auschwitz. Hein. Il faut le savoir, ça. Oui, c'est-à-dire que quand tu dis, voilà, Lola était... massacrée par une Algérienne, là, la gauche réagit. Alors, non, mais là, c'est une récupération, même un Darmanin, une récupération ignoble de l'extrême droite. Voilà, que ces gens se regardent dans un miroir, hein, à Auschwitz, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on voit à chaque fois que, quelle que soit l'utilisation dans le discours, pour la question de l'agression, pour la question de la barbarie, etc., eh ben, y a des gens qui déterminent qui a le droit, qui n'a pas le droit, qui se font les arbitres pour le monde. Bon, je regrette que les Polonais soient pris dans tout ça. Moi, je préférais quand les Polonais proposaient un musée de la saucisse près de Auschwitz. C'était plus sympa. Alors, c'était en Allemagne, c'était à côté de Dachau, en fait. Les Allemands sont plus marrants que les Polonais, quand même. Hein, je veux dire. Effectivement, j'avais cru que c'était à Auschwitz. Mais moi, j'aurais été volontiers visiter le musée de la saucisse à côté de Dachau, hein, par contre. Hein. Dachau, en allemand. J'aime beaucoup les saucisses. Voilà, tout. Je suis un fan de saucisses. J'aime manger les saucisses. D'accord. Jean, cette rhétorique, cette interdiction au nom de la civilisation de participer à l'anniversaire de la libération du camp, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Bah, j'espère que les Polonais et que les Russes vont boire le calice jusqu'à la lie, chacun de leur côté, c'est-à-dire que la Pologne se prend pour une nation qui décide qui est civilisée, qui ne l'est pas, et qu'elle considère qu'être dans le rang des nations civilisées, c'est de venir se prosterner devant la synagogue à Auschwitz. Bon, c'est un peu pénible, et puis surtout, ça va se retourner contre eux, comme ça se retourne aujourd'hui contre la Russie, d'avoir joué ce jeu du temps de l'Union soviétique pendant tout ce temps, d'avoir jugé l'Allemagne avec Nuremberg. Bah, maintenant, on leur propose le même traitement. Les Russes, bon, je sais bien que les Soviétiques étaient en grande partie juifs, mais enfin, il y avait quand même un concours du peuple ethnique russe dans tout ça. Il y a eu quand même 20 millions de morts, ce qui est quand même un sacré soufflet, même symbolique, que 20 millions de Russes, de citoyens de l'Union soviétique, soient morts dans cette guerre, et qu'aujourd'hui, on leur dit, bah voilà, tout ce que vous avez fait... à nos yeux, parce que c'est aux yeux des pays occidentaux, ça ne vaut rien. Pour une question de bisbille territoriale, un problème de frontière à la dislocation de l'Union soviétique, tous les sacrifices qui ont été consentis par la population russe il y a 75 ans pour vaincre un ennemi qui considérait être un envahisseur, ça ne vaut rien, vous ne valez rien. Donc, il va falloir qu'ils changent de paradigme, parce que là, ils sont toujours un petit peu quand même dans l'antinazisme, même si on les entend moins parler de nazis. C'était surtout au début, là, quand ils ont lancé leur opération spéciale, Ils pensaient essayer de séduire des gens, j'imagine, en Occident et même chez eux, pour justifier une guerre, puisque aller se battre contre des nazis, ça permet de tout justifier aujourd'hui. Mais bon, comme on leur réserve le même traitement que à ces fameux nazis, et que peut-être qu'il y a des parallèles qui sont en train d'être faits entre les dirigeants actuels russes, j'espère qu'ils vont apprendre la leçon et donc apprendre de leurs erreurs. Mais bon, pour l'instant, je pense que ça va prendre probablement un renouvellement de génération au pouvoir en Russie, parce que c'est les gens un peu de la vieille garde, des gens qui ont grandi dans l'Union soviétique, qui ont grandi dans cette propagande, qui sont au pouvoir. Il faudra des gens un peu plus jeunes qui ont moins baigné dans cette propagande anti-nazie, je pense, pour changer de paradigme et cesser de parler comme ça, cesser de vénérer la destruction du Troisième Reich. Oui, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis, hein. Donc il y a cette utilisation. Bon, ce qui se passe en ce moment, c'est que finalement les deux camps se traitent de nazis mutuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc, pour avoir l'ascendant moral sur l'autre. Parce que le nazi étant défini comme la forme de mal absolu, par les vainqueurs évidemment en 1945, et que le mal absolu ne nécessite aucune justification intellectuelle, etc., pour qu'on lui déclare la guerre, c'est très simple. Voilà. C'est d'ailleurs... La propagande russe est passée des nazis au satanisme, du satanisme. Bon, c'est à mon avis, bon, et je crois qu'il y aura un renouvellement à faire au niveau de la propagande. La propagande occidentale est beaucoup plus efficace, en fait, et de très loin d'ailleurs, dans ses méthodes. Mais c'est intéressant comme se chasser croisé, en fait. C'est-à-dire qu'on, Vladimir Poutine est associé à Adolf Hitler, effectivement la Russie au Troisième Reich, etc. Il faut stopper Poutine dans le Donbass, parce que si on ne le stoppe pas dans le Donbass, où va-t-il s'arrêter? C'est comme Adolf Hitler avec la Tchécoslovaquie. Enfin, toutes les associations sont faites, et en face, c'est pareil. Les chars allemands, parce que les Allemands ont dit, alors sous la pression, les Américains ont dit qu'ils étaient acceptés de livrer des chars à l'Ukraine. Alors les chars allemands en Ukraine, voilà, on va stopper les nazis, c'est bon. Le problème, c'est que quand on s'intoxique comme ça de propagande, on ne comprend rien à ce qui se passe. On ne comprend rien à ce qui se passe. Moi, si je parlais à des Russes, je dis, mais vous avez un problème, c'est que vous affrontez pas des nazis. Parce que votre Zelensky, là, c'est un gros juif. Et jusqu'à preuve du contraire, le Troisième Reich n'était pas exactement dirigé par des juifs. Donc, il faut un petit peu mettre le frein sur la propagande antifasciste et regarder un peu ce qui se passe. Ce que vous avez en face de vous, c'est des trotskistes. C'est les mêmes mecs depuis 100 ans. Voilà. C'est des juifs. Qui sont dans tous les coups possibles et imaginables pour vous faire la peau. Voilà. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est des trotskistes. Ça n'a rien à voir avec Adolf Hitler. Ça n'a rien à voir avec les nationaux-socialistes. Il n'y en a pas en Allemagne, c'est interdit. Si jamais tu t'amuses à prendre un petit drapeau avec une svastika en Allemagne, tu l'agites, eh ben, tu vas gentiment être accompagné dans une prison. L'Allemagne n'est pas occupée par un régime national-socialiste. Hein. C'est occupé par un régime trotskiste juif, où le moindre Allemand qui montre des signes de nationalisme est invité à passer quelques années en tôle. Je ne parle même pas de la contestation de la version officielle du déroulement et de la conclusion de la Deuxième Guerre mondiale dans ce même pays qu'est l'Allemagne ou l'Autriche. Je vais d'ailleurs rappeler aussi que M. Bond, hein, qui est un petit chanteur d'Autriche, qui s'amuse à faire des pastiches, a pris 10 ans de prison ferme pour avoir fait des clips de rap avec Adolf Hitler. Bon, c'est l'Autriche, hein, d'accord, c'est le pays natal d'Adolf Hitler. Tu fais quelques clips de musique marrants avec Adolf Hitler, tu vas 10 ans à l'ombre. C'est pas les nazis qui sont au pouvoir en Autriche, c'est ni à Berlin, d'accord. Donc faut arrêter 3 minutes là aussi, ça, tu vois. Tu vas aller nulle part avec ça. Alors bon, ça doit certainement conforter les vieux boomers soviétiques dans leur truc, mais tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu peux pas comprendre les mécanismes des forces financières en présence. Tu peux pas comprendre si tu utilises cette rhétorique-là. Ça va pas marcher. Tu vas pas pouvoir entamer les défenses de la propagande adverse. C'est évident. Alors, bien évidemment, ceux qui le brandissent en Russie, ce type d'argument, ne sont pas nécessairement dupes, mais ils disent « Ouais, mais bon, quand même, voilà. » mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on peut pas comprendre, ils peuvent pas comprendre ce qui se passe. Et là, avec justement cette histoire d'interdiction de présence à Auschwitz, on commence à toucher du doigt ce qui se passe vraiment. Moi, je peux rebondir sur ce que tu as dit. En fait, ces trotskistes nient le droit de certains pays, notamment ceux qui visent en priorité, d'exister. Donc là, en l'occurrence, actuellement, le gros ennemi, c'est la Russie. Mais les Polonais, ça pourrait très bien être leur tour très vite, une fois que la Russie sera démantelée, ou si elle était un jour démantelée, ce que je ne souhaite pas, encore une fois, pour éviter de me faire critiquer. Non, mais tu parles de la Russie, le démantèlement de la Russie, c'est ça? Oui, en fait, les juifs ont des plans pour la Pologne après. Ils veulent démanteler la Pologne, ils veulent la faire payer. Oui, mais ils veulent la démanteler historiquement et racialement, comme tous les autres pays d'Europe. Oui. Et ça, il y a des plans très connus qui sont sortis sur Internet. Et d'ailleurs, il y avait eu des histoires il n'y a pas si longtemps, puisque les juifs voulaient faire payer la Pologne pour l'Holocauste, en disant que l'Holocauste, en fait, c'était les Polonais qui en étaient responsables. Ouais. Et ça, c'est pas oublié. Ils ont mis ça pour l'instant sous le tapis, mais ça va ressortir. Hein. Comme un diable sort de sa boîte, ils vont revenir le moment opportun pour s'attaquer à leur proie, une fois qu'ils ont réglé quelques autres proies qu'ils ont en priorité avant, qui sont notamment la Russie, l'Iran, la Chine. Mais dès qu'ils se sentiront assez forts pour continuer de démanteler certains pays européens sur lesquels ils s'appuient actuellement, ce sera leur tour. Donc, je me répète, j'avais déjà dit ça dans une émission, mais les Polonais devraient prendre comme compagne une attentive modération, arrêter de s'exciter dans tous les sens, faire profil bas et préserver ce qu'ils ont, parce que ça pourrait très bien leur être repris aussi vite que leur pays a disparu en 1795. Donc ça c'est pour le cas polonais. Et pour le cas russe, effectivement, je pense que c'est en train de faire son chemin dans les élites russes. Ils voient qu'on les menace directement. Là, on a, comme ils menaçaient dans les médias français de faire tuer Poutine, on parle de leur faire des procès. Donc oui, je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue pour eux que la victoire. S'ils perdent, ça va très mal se passer. Il n'y aura pas de conciliation possible. Donc ça s'appelle un changement de paradigme. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que samedi sur LCI, le Premier ministre polonais s'est exprimé, puisqu'il a été interrogé par un journaliste à cette occasion, et il a dit textuellement, pas de manière allusive, textuellement, que il voulait débiter la Russie en morceaux. Il a qualifié la Russie de prison des peuples et qu'il y avait toute une série de nations qui demandaient à être libérées du joug russe après l'Ukraine. Et le journaliste qui l'interrogeait, qui était Darius Rojbin, lui a demandé, est-ce que vous avez une idée en tête? Il a dit, oui, par exemple, la Tchétchénie. Donc, on est dans une dynamique. On n'est pas dans une affaire russo-ukrainienne. On est dans une dynamique géopolitique avec différents acteurs, dont les Polonais, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Les Polonais, évidemment, ne peuvent pas tenir ce type de langage sans avoir la certitude d'avoir le soutien des États-Unis. C'est une évidence. Et des puissances qui sont derrière les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas besoin de donner leur identité, vous les connaissez. Donc, il y a une escalade rhétorique au plus haut niveau de l'État polonais. Ces discussions existaient déjà dans la presse polonaise, existaient déjà dans certaines factions politiques polonaises, mais pas au niveau du gouvernement. Là, le Premier ministre polonais dit carrément, après l'Ukraine, la Tchétchénie. Mais il a dit des nations, il ne s'est pas limité juste à la Tchétchénie. Parce qu'en fait, quand vous regardez les projets des Polonais, c'est l'entièreté de la Russie qui doit être débitée en morceaux. Et ça concourt avec les objectifs des Juifs, je l'ai dit souvent, qui est de transformer la Russie, de couper la Russie en toute quelques dizaines de républiques fantoches, qui seraient sous leur contrôle et dont ils pourraient exploiter les ressources, parce que c'est une masse terrestre considérable, la Russie, bien sûr. Donc, en fait, c'est un peu la, comment, ce à quoi on assiste, c'est une espèce de fuite en avant de gens qui sentent qu'ils sont en train de gagner la guerre. En tout cas, de leur point de vue, attention, de leur point de vue. Je dis pas que c'est ce qui se passe sur le terrain, mais de leur point de vue, ils disent, bon, voilà, l'Ukraine, bon, ça va traîner, mais bon, on va y arriver, mais ensuite, quand on aura gagné en Ukraine, on fait quoi? Ah ben, ouais, bonne question, on va s'intéresser au Caucase, on va s'intéresser à la Biélorussie, on va s'intéresser la Sibérie, il y a beaucoup de richesses en Sibérie, et là, oui, les appétits s'aiguisent. Et ça, c'est pour la perspective pour la nation russe, je veux dire. Mais en plus de ça, on leur dit, bon, les dirigeants, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Nuremberg, on va leur faire un Nuremberg. On va leur faire un Nuremberg. Et l'interdiction de participer à la libération du camp, c'est ça. C'est justement de leur dire, vous êtes des nazis maintenant, vous ne pouvez plus participer à retirer les royalties. Ah oui, mais bon, nous, on a libéré le camp. On a perdu 27, un quart de... Un quart de 100 millions de personnes pour libérer les juifs. Et les juifs leur répondent, non, on s'en fout, vous êtes des nazis maintenant, c'est terminé ça. Fini ça, vous êtes des salopards. Tout est oublié. Maintenant, vous êtes des prochains nazis, quoi. C'est votre pays qu'on va débiter en morceaux. Comme l'Allemagne. Rappelez-vous que l'Allemagne s'est réunifiée, mais attention, elle s'est réunifiée, mais c'est presque un miracle. Elle avait été débitée en morceaux. Je rappelle que la Corée est encore débitée aujourd'hui. En deux morceaux. L'Allemagne s'est réunifiée, c'est presque un miracle. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils veulent faire à la Russie, mais à une échelle jamais vue. Parce que là, les distances, etc., font que c'est colossal ce qu'ils préparent. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les dirigeants russes qui voient ça, on leur dit, voilà, vous, c'est Nuremberg. Vous allez finir dans un tribunal, vous serez jugé et vous serez condamné. Et votre pays va être coupé en morceaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Russes face à ça? Je veux dire, ils n'ont aucune option de sortie. Ça me rappelle beaucoup le plan Morgenthau, qui a été présenté aux Allemands fin 44, courant 44. On leur dit, les gars, voilà ce qui vous attend. Et comment voulez-vous que les Russes jettent les armes? C'est pas possible. C'est pour augmenter le bain de sang, c'est pour augmenter le nombre de morts, parce que les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait fin 44, ils ont fait la Volkssturm, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des gamins et des vieillards, parce que ce qu'on leur promettait, c'était l'extermination physique. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes le dirigeant d'un peuple à qui on promet, en cas de défaite militaire, l'extermination physique? Bah, vous envoyez tout le monde, se battre. Et ça fait encore plus de morts, et ça permet aussi aux Juifs de se laver les mains d'avoir tué des vieillards et des gamins dans le cadre d'opérations militaires. Donc c'est ce qu'ils veulent. En fait, ce qu'ils veulent, là, les think tanks américains ont expliqué noir sur blanc qu'ils voulaient transformer l'Ukraine en Afghanistan, comme ça l'a été pour l'Union soviétique, d'ailleurs comme ça l'a été pour eux-mêmes, mais ça, ils ne le mentionnent pas. Et ils veulent que l'armée russe s'embourbe pendant des années et des années dans un conflit en Ukraine et qu'à la suite de ça, ça provoque des troubles sociaux à Moscou et vers les centres de pouvoir, et qu'à ce moment-là, ils puissent renverser le régime et à la suite de cela, débiter la Russie. Mais c'est un très très très mauvais calcul, à mon avis, parce que l'Ukraine n'a rien à voir avec l'Afghanistan. C'est pas un pays de montagne très difficile à contrôler militairement. C'est une plaine. Donc une plaine, ça se conquiert beaucoup plus aisément, on va dire, qu'un pays de montagne. Et les implications pour l'Occident sont au moins aussi lourdes que pour la Russie. Quand l'Occident arme l'Ukraine et envoie des mercenaires, et là on voit qu'il y a de plus en plus de Polonais en Ukraine qui se battent contre les Russes, c'est des dépenses colossales qui sont engagées du côté occidental, alors que quand il s'agissait d'armer des Moudjahidines et de leur donner des armes anti-chars et des armes anti-aériennes en Afghanistan, c'était un coût dérisoire par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est un calcul qui est finalement assez mauvais. Alors messieurs, c'est l'occasion de désigner le sale juif de l'année 2022. On avait lancé donc le concours en fin d'année 2022, et il faut maintenant trancher en ce mois de janvier sur celui qui a remporté haut la main le titre. Choix difficile, je dois dire. Choix difficile. Nous avons choisi un certain nombre de lauréats. Il y en a des plus sérieux et des moins sérieux. Mais qui tous participent d'une certaine, d'une galerie de portraits pas inintéressante. Alors, catégorie rabbin, philosophe, fauteur de guerre. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, qu'on ne présente pas. Évidemment, député européen, européen. Eurodéputé hein, sur le papier, qui appelle systématiquement à la confrontation avec la Russie, bien sûr, mais aussi avec l'Iran et avec la Chine, c'est-à-dire avec les ennemis géopolitiques de la place financière de New York. Hein. Pas besoin d'en dire davantage. Bernard-Henri Lévy, un classique, certes, c'est vrai, c'est presque facile de citer Bernard-Henri Lévy, mais... en dépit de son âge, puisque bon, c'est quelqu'un qui approche quand même des 75 ans, et il est très actif encore aujourd'hui en Ukraine, hein, voilà, trois quarts de siècle, mais il est quand même encore en Ukraine, sur le terrain, eh bien, à appeler à la maximalisation du conflit. On rappellera d'ailleurs son interview au magazine juif The Jewish Chronicle, en anglais, hein, de langue anglaise, dans laquelle il s'était dit tout à fait disposé à risquer une guerre nucléaire pour l'emporter contre Vladimir Poutine. C'est pas vieux, c'était il y a quelques mois. Toujours dans la même catégorie rabbin-philosophe, et laïque bien entendu, Raphaël Enthoven, figure médiatisée mais dont on ne s'explique pas trop les raisons, si ce n'est peut-être... un sponsoring communautaire, bon bah lui c'est pareil, hein. Lui c'est la voix d'Emmanuel Macron, on peut le dire comme ça, voilà, qui prétend en fait écarter mélenchonistes et électeurs du RN des prises de décision, c'est-à-dire quand même la majorité de la population française aujourd'hui, hein, pour que eh bien, la sagesse hébraïque l'emporte, voilà, il y a peut-être des choses à dire sur le personnage, mais en tout cas c'est l'essentiel. Figure un peu plus discrète, mais quand même, c'est Delphine Horvilleur. Alors, c'est une voix qui est présentée avec assurance, hein, par radio et télévision, mais aussi par la presse écrite. C'est-à-dire que quand on est en recherche de sagesse, on sollicite Delphine Horvilleur. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une femme rabbin. Oui, c'est une femme rabbin. Et à ce titre, elle a le droit de s'exprimer longuement dans les grands médias français. Et on n'en sait pas davantage. Hein. Essayez de citer la dernière fois qu'un curé a pu avoir accès à cet avou, au journal Le Monde, à l'Express, Le Point, là, pour dire ses conceptions. De mémoire, moi je ne me rappelle pas. Hein. Enfin, en tout cas, cette femme rabbin, elle, alors imaginons une femme prêtre, quoi, hein, je ne sais pas, quelque chose d'aussi original, voilà. Bon. Donc elle y a droit. Et on lui doit notamment la promotion de la première femme imam de France. Qui est Kaïna Baloul, qui se trouve être d'origine juive aussi. Comme quoi, voilà. Il y a des hasards. Alors, catégorie marchand heureux. Alors, il y en a quelques-uns. Stéphane Manigold. Bon, on le présente plus, Stéphane Manigold. Hein, c'est celui qui voulait, qui protestait avec son association Restons Ouverts contre ceux qui voulaient ouvrir les restaurants. Vous vous en rappelez de ça, hein, tous ceux qui voulaient ouvrir le restaurant, ils disaient ce sont des salopards, d'antivax, de complotistes, etc. Et donc, il avait créé une association qui s'appelait Restons Ouverts, grâce à laquelle il appelait à fermer les restaurants. Je vous laisse réfléchir sur ce concept. Je pense que nos auditeurs le connaissent, ils l'ont souvent vu à la télévision. Alors, quelqu'un de plus discret et d'apparu plus tardivement sur les écrans, c'est à lui qu'on doit la polémique encore une fois lancée par Emmanuel Macron, mais il a servi de caisse de résonance sur le sujet des métiers sous tension. Hein, il fallait des migrants pour les métiers sous tension. Je veux parler de Thierry Marx, hein, qui est un cuistot ashkénaze, qui trouve qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'immigrés en France. Il n'y a pas assez d'immigrés, il y a trop de feignants, les Français sont des feignants, ils foutent rien. Il faut beaucoup plus d'Afghans, de Pakistanais, de Gambiens, de Guinéens, d'Algériens, voilà, pour travailler dans les restaurants et faire du fric, voilà, sans rien déclarer. Merci à Thierry Marx. Catégorie financiers internationaux, Samuel Bankman-Fried, le patron de FTX, vous connaissez peut-être. C'est alors lui il a ridiculisé Madoff, hein, vraiment. Hein. Donc il a créé une crypto. Hein, voilà. Il a été sélectionné par les juifs du Parti démocrate pour assurer les transferts de fonds entre l'Ukraine et le Parti démocrate. Alors je vous explique. Donc le Parti démocrate de Joe Biden et ses juifs envoient des dons d'armes théoriques chiffrées en dollars. Bon, il y a une partie en armes, il y a une partie en cash. Il y a une partie de ce cash qui revient en Amérique. Il ne faut pas laisser trop de traces. On passe par le monde de la crypto. C'est là qu'intervient Bankman-Fried et FTX. Hein, voilà, il propose ses services. Il dit, voilà, moi, je vous offre un mécanisme de crypto. Voilà, on fait du change, du blanchiment d'argent. Donc, le pognon qui est envoyé officiellement par le gouvernement démocrate américain en Ukraine, au titre de l'aide contre les Russes, une partie revient aux États-Unis par les cryptos, directement dans les poches du Parti démocrate. Pourquoi se gêner ? Merci, monsieur Bankman-Fried. Larry Fink, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le boss de BlackRock, c'est celui qui vous fait bosser jusqu'à 64 ans. Il est d'origine juive aussi, hein, voilà, hein. C'est lui qui a pensé la nécessaire réforme des retraites pour la France. Voilà. Il attend de juteuses retombées de cette retraite, il a des plans pour la France dans d'autres domaines aussi. Voilà. Intéressant à relever comme ça. Alors, catégorie blouse blanche, un petit peu corsé quand même. Jérôme Salomon, alors évidemment, c'est celui qui avait prédit la peste noire pour la France. Il avait dit, attention, hein, voilà, s'il va y avoir des millions de morts, portez vos masques, faites-vous piquer. Vous en pensez ce que vous voulez, mais bon, c'est quand même, il a quand même été la voix de l'apocalypse en France. Alain Fischer aussi, c'est le monsieur vaccin du gouvernement français. C'est lui qui a appelé à vacciner à outrance la population pour le compte de Pfizer, bien sûr. Bon, voilà, petit nom sympathique. Agnès Buzyn, qui a été exfiltré en Suisse à l'OMS, qui est revenu en grâce, et récemment, les autorités françaises ont décidé de ne pas la juger. Hein. Sa gestion est irréprochable, pas de raison de poser de questions au niveau judiciaire, tout est bien dans le meilleur des mondes, hein. Donc c'est la femme de Yves Lévy qui, accident, créé le laboratoire de Wuhan. Voilà. D'où serait partie la fameuse pandémie de Covid-19, un virus manipulant laboratoire circulé, il n'y a rien à voir. Michel Simès, le médecin préféré des Français, vous l'adorez, vous l'aimez. Alors lui, il s'est fait connaître plus récemment, il s'est illustré plus récemment, disons, par sa haine absolument immodérée pour les anti-vax. Hein. Vous les refusez, vous ne vouliez pas vous faire vacciner. Là, Simès, c'était pas votre copain, il vous crachait au visage par télévision interposée, bien entendu. Alors après, comme il a été très très très très violent, il s'est effacé un peu, mais il est revenu en grâce récemment parce qu'il a dit qu'il avait été victime d'un cancer en 2009. Voilà. Donc ça va mieux, il a beaucoup souffert, donc finalement, pourquoi pas. Et donc il est de nouveau sur tous les plateaux de télévision, et c'est de nouveau, d'après les médias, le médecin préféré des Français, c'est le médecin de la famille, hein. Simès, on l'aime beaucoup, et c'est aussi un survivant de l'Holocauste, je ne sais pas si vous le saviez, c'est un survivant de l'Holocauste. Albert Bourla, bon là c'est du gros, hein. Albert Bourla quand même, c'est du très très gros, il a injecté des centaines de millions de personnes à travers la planète, il en a tué un bon paquet aussi d'effets secondaires, et il n'a pas fini d'ailleurs. Il est toujours aussi joyeux, il était encore récemment à Davos, où il se baladait tranquillement pour partager avec les maîtres du monde ses projets de futurs vaccins. Alors là, je vous en passe, hein, il a toute une série de vaccins en stock, là, c'est absolument extraordinaire. Bon, je vous laisse vous y reporter. Alors ensuite, on a les fact-checkers de l'extrême. Alors eux, ça, c'est ceux qui disent la vérité, hein, aux goïnes stupides, qui connaissent rien, comprennent rien. Tristan Mendès, évidemment, hein, voilà, Tristan Mendès, c'est celui qui décide de qui a le droit de parler sur les réseaux sociaux. Hein. Facebook, Twitter, YouTube, voilà. Il dit, voilà, lui oui, lui non. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment le gardien de la porte. Son comparse, hein, Rudi Reichstadt, aussi, de Conspiracy Watch, hein, l'observateur des conspirations. Alors c'est simple en fait, hein, si vous posez problème au système, vous êtes aussi un complotiste irrationnel, un dingue. Récemment, un de ses comparses, Antoine Daoust, s'est fait poisser pour avoir un petit peu trafiqué la vérité hein, sur certains sujets. Catégorie journaliste de droit divin, Patrick Cohen, le délicieux Patrick Cohen. Vous le connaissez, je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Je préciserai quand même que récemment, pour vous dire la puissance hein, médiatique de Cohen, il s'est offusqué que Russia Today pouvait encore opérer depuis le territoire français. Donc il a fait un éditorial, une chronique dans son émission. Bien, c'est très simple, 48 heures après, Russia Today n'avait plus le droit d'opérer depuis le territoire français. Tous les comptes bancaires étaient bloqués. C'est bizarre, hein. Voilà, Cohen, le journaliste Cohen s'emporte et les banques ferment les comptes bancaires. Ouais, ça va très vite. Il y a peut-être un lien de cause à effet, je vous laisse libre d'en décider. Laurence Haim, plus discrète, mais quand même une voix aussi très autorisée de la communauté. Alors elle est officiellement en poste aux États-Unis où elle raconte un petit peu sa vie sur Twitter, voilà. Je ne sais pas exactement quelle est sa qualité journalistique, puisque j'ai beau chercher dans le contenu qu'elle propose, il n'y a rien. Vous en faites ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais elle est tout le temps à la télévision pour raconter ses impressions. Voilà. Évidemment, elle est très à gauche, hein, c'est très clair. Alors, sur une note plus drôle, Elisabeth Lévy, ah bah oui, une des voix autorisées de CNews, hein, avec toute une kyrielle d'autres juifs. Alors ça, c'est l'Occident judéo-chrétien mobilisé, hein, voilà. Alors, Elisabeth Lévy se disait émue récemment, en disant que quand elle voyait une statue de la Sainte Vierge, elle se sentait dans son pays. C'est intéressant, puisque, si je m'en rappelle, quand la France était catholique, donc quand elle était une monarchie de droit divin, le peuple d'Elisabeth Lévy portait la rouelle, hein, et était cantonné à une poignée d'évêchés, notamment en Alsace et à Bordeaux, où ils vendaient des nègres. Sinon, ils n'avaient pas le droit de circuler en France. Hein. Donc, je ne sais pas de quelle France catholique parle Elisabeth Lévy, mais elle disait, voilà, moi je suis chez moi, hein, quand je vois la Sainte Vierge, je suis chez moi, je suis en France. Catégorie avocat en transit, bah, Gilles William Colnadel, hein, on en a parlé un petit peu quand même, dont l'obsession est de faire virer donc les Français et la France de ses possessions patrimoniales en Terre Sainte, plus particulièrement du tombeau des rois, où il est associé à des rabbins d'extrême droite pour s'assurer que la France soit vaincue légalement, voilà, de faire expulser légalement la France de ses possessions, comme je l'ai mentionné, voilà, bon, c'est une activité patriotique comme une autre, il n'y a pas de raison, un amoureux de la France catholique, évidemment, pas l'ombre d'un doute. Une autre juive, cette fois-ci dans la catégorie art dégénéré, Émilie Frèche, vous avez sûrement aimé son film Les Engagés, qui narre l'histoire de Blancs qui militent pour la submersion migratoire totale de la France par des migrants musulmans. Très très bien, alors ça fait un flop au cinéma, mais c'est pas grave, c'est l'engagement qui compte. Alors, Philanthrope sans frontières, catégorie Philanthrope sans frontières, Marie-France Cohen, vous ne la connaissez pas, mais par contre son initiative, vous la connaissez, c'est le projet Horizon à Calac, où elle voulait installer dans un village de 2000 habitants des centaines et des centaines de migrants musulmans, des migrants d'Afrique, pour le vivre ensemble, hein, voilà. Et au passage, grâce à son association, défiscalisée à mort, puisque Marie-France Cohen est une millionnaire, elle est richissime, elle vit en plein cœur de Paris, hein, voilà, donc c'est pour vous dire qu'elle est très engagée pour le bien de l'humanité. Autre lauréat, catégorie fauteur de guerre, Volodymyr Zelensky, je ne vais pas le présenter, vous connaissez son œuvre, pas besoin de m'y attarder. Catégorie démocratie tribale, Esther Benbassa, oui, quand même, hein, qui a été boycottée par tout le monde parce qu'elle exploitait terriblement ses associés au Sénat, où elle a, comment dirais-je, ses entrées en qualité de sénatrice écolo-marxiste. Alors, elle a de multiples passeports, un passeport israélien, un passeport turc, un passeport français, j'en oublie certainement, un accent absolument horrible, et moi, personnellement, je l'appelle Bozo le clown, avec sa tignasse dégueulasse, son accent à faire peur et son faciès terrifiant. Voilà, bon, c'est une sénatrice, donc voilà, qui milite pour l'immigration à bloc. Hein. Elle a un seul sujet, elle, c'est l'immigration. Il faut toujours plus de nègres en France. Voilà, c'est son programme. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, dans la catégorie démocratie tribale, Elisabeth Bornstein, votre actuel Premier ministre, elle vous veut du bien, hein. Elle vous recouvre de bamboula, de noir, donc de jugement, de tout ce que vous voulez, et elle veut vous faire trimer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps parce que la France a des dettes, ah oui, auprès des banquiers internationaux, qui sont aussi ses cousins. Et vous devez vous en acquitter parce que Elisabeth est aussi une survivante de l'Holocauste. Il faut le savoir, hein, c'est une survivante de l'Holocauste. Et qu'à ce titre, comme l'a rappelé M. Zemmour, nous ne devons jamais oublier la responsabilité écrasante des Français dans l'Holocauste, dans l'indicible. Donc il faut bosser plus longtemps pour s'excuser auprès des Juifs. Je voulais rajouter enfin Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, qui s'est assurée de l'orientation générale de sa campagne, bien sûr, pour qu'elle soit résolument compatible avec les intérêts de la race juive en Palestine. C'est très important. Peut-être qu'il y aura des candidats ajoutés au fil de cette discussion, mais enfin, voilà pour l'année 2022, en sachant que nous n'avons pas pu citer tous ceux qui méritaient d'y figurer. Hein. Il y aura des déçus. Hein. Il y aura des déçus. Les petits gars, est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose avant qu'on tranche ? Oui, alors moi j'aimerais beaucoup rajouter Éric Zemmour, parce que mon critère numéro un de juiverie, c'est cette capacité que certains juifs ont de se faire passer pour des nôtres, alors que c'est des traîtres absolus. Et donc Éric Zemmour a quand même été très fort dans la capacité à entraîner les bonnes énergies, des blancs de qualité, dont j'en connais certains hélas, qui se sont donnés quand même sur leur temps libre de manière assez importante, j'irais même dire à corps perdu, pour les intérêts de la Judée. Donc ce comportement de phasme, c'est-à-dire une sorte d'insecte qui veut se faire passer pour une brindille ou une branche, et qui n'est en fait qu'un parasite, ça m'énerve. Et puis on en a parlé, t'as déjà bien expliqué ça au début d'émission. Oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du cas Zemmour, effectivement, oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Si je me retourne vers Nogaret, est-ce qu'il manque quelqu'un dans la liste, d'après toi, quelqu'un, un lauréat qui, tu te serais dit, ah, j'aurais quand même aimé le voir dans la liste? J'ai cherché un petit peu, mais non, il n'y a pas, vraiment de... Ah bah c'est ça en fait, c'est qu'elle est déjà très complète, donc non, je pense que le choix était déjà trop difficile. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter par exemple Anthony Blinken, le patron du département d'État américain, c'est-à-dire de la diplomatie étrangère américaine, d'origine juive, et qui a la haute main en fait sur toute la politique étrangère de Biden, puisque Biden a fait comprendre dès le début hein, de sa présidence que il déciderait de rien. Voilà, il a dit dans des discours, etc. Il a dit, si vous intéressez à la diplomatie, adressez-vous à Anthony Blinken, c'est lui le boss. Donc, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, est aussi lié au soutien américain à ce pays, enfin à Zelensky en particulier, et vous serez surpris d'apprendre que qui est aux manœuvres outre-Atlantique, c'est Blinken. Voilà, pour ne citer que ça, j'aurais pu m'intéresser à la Fed, éventuellement. Oui, Yellen, Janet Yellen, et puis même tout le gouvernement Biden. Ouais, bah, tout le gouvernement. Sur 12 secrétaires d'État, il y a 11 juifs, un truc comme ça. Donc c'est peut-être pas 11, mais il y en a énormément. Yellen, c'est le Treasury, donc c'est le ministère des Finances. Donc elle gère l'argentière de Biden est une juive. Le ministre de l'Intérieur est un juif originaire de Cuba. Alors c'est très trompeur parce qu'il a un nom, un nom typique. Hispanique, ça leurre l'électorat, mais en réalité il est d'origine juive, donc il a vraiment choisi de manière très millimétrée tous ses responsables. Le renseignement militaire est tenu par une juive, etc. Enfin, c'est des juifs à tous les étages. Il n'y a pas de parti démocrate, il y a juste un parti juif hein, qui est au pouvoir. Évidemment, chez les républicains, ça serait à peu près la même chose, mais enfin, sous Biden, c'est caricatural. Alors, historiquement, on n'a jamais vu autant de juifs dans un gouvernement américain. Hein. C'est vraiment un record absolu. Et tous les postes clés sont occupés par des juifs. Donc il y avait de quoi nommer, hein, indubitablement, mais bon, il faut faire des choix. Alors du coup, il faut maintenant choisir. Quel est votre candidat favori? Alors si t'as mis Zemmour, mon cher Jean, c'est que t'as envie de le voir gagner, peut-être. Et si t'as envie de le voir gagner... Ah, c'est trop dur. C'est trop dur, là. J'ai la liste sous les yeux. Je suis comme un gamin à la fête foraine. Je ne sais où donner de la tête. C'est compliqué. Hein. Complexe, hein. Genre, oui, pour 2020, j'aurais dit Buzyn. Parce que je trouve que l'impact que Buzyn a eu sur cette année-là, notamment tout ce qu'il y a eu au départ avec la chloroquine, mais là où je lui en veux... En particulièrement, c'est les vaccins, d'empoisonner les gamins blancs avec ces saloperies. Précise un peu, parce que ça, peut-être que les gens ont oublié. Bah, elle a rendu un certain nombre de vaccins obligatoires pour les enfants, alors que pour des maladies qui n'ont aucune incidence en France, simplement. Et pour la chloroquine, elle l'a interdite, il me semble, le 15 janvier, quelque chose comme ça, 2020. Donc, quelques mois avant le départ de ces histoires de Covid. Donc, oui, elle est coupable autant que son nez l'est. Donc, c'est vraiment... 2020, c'est vraiment, hélas. Oui, hélas, on n'a pas fait... on pourrait faire chaque année, finalement, faire une éphéméride. Ouais. D'accord. Donc, Buzyn, une déception pour la nouvelle 20, d'accord. Et 2022, quel est le juif d'après toi le plus marquant, celui vraiment qui impulse une dynamique réelle dans la vie française ou dans la vie internationale? Ça c'est au choix, hein. c'est le choix d'analyse qui est à votre libre appréciation. Vous pouvez choisir soit quel est le juif qui a le plus maléfiquement influencé la société française ou alors au niveau international quoi. Trop dur. Ok, je te laisse un peu de temps de réflexion. Nogaret. Oui, moi j'allais dire, je vais expliquer un petit peu mon choix rapidement, hein, mais justement sur le, en France, je trouve que le choix était trop difficile à départager, donc je me suis dit que l'international, ça pouvait être bien, d'autant que ça nous touche directement. J'avais trois personnes qui ressortaient de ça. Il y avait Sam Bankman-Fried, Larry Fink et Zelensky. Ouais. C'est un trio finalement qui marche bien ensemble, hein, d'ailleurs. Hein, bah, d'ailleurs, ils marchent ensemble. Main dans la main. ils marchent ensemble, littéralement, parce que je sais pas si tu as vu une déclaration récente de Zelensky, mais il s'adresse, je sais plus où, et il dit voilà, en gros, je suis en lien avec Goldman Sachs, avec BlackRock, et on va reconstruire le pays, etc. Enfin, tu sais qu'ils vont piller comme des gorées, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'aide internationale. Ils vont aussi voler les fonds qui ont été séquestrés, des fonds russes qui ont été séquestrés au début de la guerre. Il y a des centaines de milliards qui sont séquestrés en Europe et aux États-Unis à cette occasion. Enfin, voilà, ce qu'ils appellent la reconstruction. Il n'y a pas de reconstruction. C'est juste tout le pognon qui va être officiellement alloué à l'Ukraine pour la reconstruction va être détourné. Et en fait, la question, c'est qui a droit à quoi? Et il y avait Zelensky qui disait, voilà, nos amis de BlackRock, nos amis de Goldman Sachs, enfin, c'était pourrime, quoi, je veux dire, c'était hallucinant. We have already managed to attract attention and have cooperation with such giants of the international financial and investment world as BlackRock, JP Morgan, and Goldman Sachs, such American brands as Starlink or Westinghouse have already become part of our Ukrainian way. Voilà, donc Larry Fink. Et puis tu parles de Bankman-Fried, lui, j'ai expliqué, c'est-à-dire que le soutien politique de Biden de la Maison Blanche, ça se monnaie, hein. C'est-à-dire que le soutien des Juifs américains, il est facturé, hein. Il y a rien de gratuit chez ces gens. Hein. Donc voilà, donc on blanchit du fric. Évidemment, c'est les cons de contribuables américains qui payent, mais il y a tout un montage. Et là, c'est Bankman-Fried qui joue ce rôle-là. Vous avez bien compris, à trafic d'armes sur fond de guerre, on fait mourir des goïms. C'est tout y est, quoi. Voilà. Donc, je comprends que cette triade te pose problème. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu as très bien résumé toute l'affaire. Et du coup, bon, il faut quand même en choisir un. Hein. Il y a quand même un vainqueur. Zelensky, moi, aussi irritant soit-il, je le vois plutôt comme manipulé, alors avec bonne volonté, mais disons qu'il est bien poussé par d'autres personnes. Et j'ai toujours eu une haine particulière pour les financiers internationaux, donc je suis parti quand même sur Larry Fink, où Larry Fink, c'est quand même quelqu'un qui gère BlackRock, qui a des actifs qui sont supérieurs au PIB de la France et de l'Allemagne réunies. C'est quelqu'un qui a des investissements partout, mais qui appelle à promouvoir les critères ESG. Donc en fait, tout ce que, par exemple, quand on se pose la question de pourquoi dans la pub on promeut l'homosexualité, pourquoi dans la société ou certaines entreprises promeuvent l'environnement, la lutte pour le climat, ce genre de choses, ben ça c'est les critères que des grosses firmes comme BlackRock mettent en place en disant: vous voulez qu'on finance certaines choses, vous voulez qu'on vous donne de l'argent, qu'on croit en vos projets, eh bien il va falloir remplir certains critères, notamment sur les questions sociétales, sur les questions environnementales. Donc vous allez faire comme on vous dit. Donc voilà, c'est toujours cette finance internationale qui lutte contre les peuples, qui lutte contre les... comment dire, contre les gens qui essayent de leur imposer des choix qu'ils ne font pas. Et donc, je trouve que Larry Fink, on va dire, cristallise toute cette déchéance. Jean ? Oui, alors je crois que je vais rester sur mon choix initial, je vais plus me focaliser sur la France. Éric Zemmour a vraiment servi avec donc Sarah Knafo à remettre une pièce dans la machine une fois de plus, continuer à faire tourner les goïms comme un hamster dans sa roue, à nous faire croire que la démocratie continue de fonctionner, qu'on a un pseudo-choix, que leurs inquiétudes au niveau du remplacement de population et de l'invasion négroïde et araboïde est entendu, que des gens s'en soucient et que sur ce côté-là, il y a une offre politique contre l'immigration, alors que ma certitude est totale que si par un miracle, ou plutôt par un accident, il eût été élu, il n'eût rien fait du tout contre l'immigration. Ça se serait tout de suite débandé et on n'aurait rien vu de mis en place. Donc je hais particulièrement tout ce qui fait perdurer ce système démocratique et je pense que Zemmour a fortement contribué à ce qu'il y ait des gens qui continuent d'y croire, qu'on continue d'aller voter, de se déplacer. Alors je sais qu'il a fait que 7% et que ça reste quand même pas un gros phénomène, mais tout un tas de gens de notre bord devraient tout de même cesser complètement d'avoir aucun espoir dans la démocratie et dans le vote, dans l'élection, et passer à autre chose. Et tant qu'il y aura des offres politiques, notamment des offres comme ça qui sont complètement détournées, ça n'arrivera pas. C'est compliqué. Donc nous avons Zemmour pour Jean, Larry Fink pour Nogaret, et mon choix que je n'ai pas encore explicité. Ah, je vais quand même me porter sur Zelensky, parce que vos arguments sont excellents, hein, ceci étant dit, hein, vous avez bien défendu vos candidats, mais je pense que Zelensky, par le basculement géopolitique mondial qu'il est en train de catalyser, ne peut pas être considéré comme un acteur marginal. Bon, vous n'avez pas dit que c'était un acteur marginal, c'est tout à fait. Et encore une fois, vous avez bien défendu vos candidats. Personnellement, je penche pour Zelensky parce qu'il se trouve à l'endroit critique, au moment critique, qui va faire basculer l'histoire de l'Europe. C'est tout à fait évident de mon point de vue. C'est-à-dire que je pense que la guerre va s'étendre progressivement, par étapes. Je pense que c'est une dynamique générale qui maintenant s'enclenche pour des raisons qu'on a suffisamment expliquées ici. Et que de manière tout à fait, je ne vais pas dire surprenante parce que ça ne me surprend pas, mais de manière assez marquante, passe une nouvelle fois entre les mains d'un juif. C'est-à-dire qu'il fallait que le président de l'Ukraine, ce qui est improbable, je veux dire, soit juif, vous voyez. Ça ne peut pas être un Ukrainien, ça ne peut pas être un Slave, aussi corrompu soit-il. Non, il faut que ce soit un Hébreu. Et pour moi, je veux dire, c'est des signes, quoi. Je veux dire, c'est des signes. Il fallait que ça passe par ça, il fallait que ça soit ça. Et quand je vois la mécanique qui est en train de se mettre en place aujourd'hui avec ce bloc occidental qui s'avance toujours plus dans le soutien à ce type et à sa clique, à quel point il est célébré comme le machiach par son peuple. Pas que par son peuple. Hein. Au début, le déclenchement de la guerre, c'était pornographique. Et je voyais des gens que je connais qui le célébraient sur les réseaux sociaux comme un héros. J'étais abasourdi. Oui, mais c'est souvent intéressant parce que dans les moments de grande tension spectaculaire et de sidération médiatique, on voit la qualité des gens, en fait. Le sérieux des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont paralysés par leurs émotions et par l'effet de masse. Et de part et d'autre, parce que j'ai vu des gens d'ailleurs qui sont pas du tout de notre bord, mais qui étaient pro-russes, donc des gens de gauche, qui ont été tétanisés en fait lors de l'invasion, et qui se sont tout de suite, les droits de l'homme, la souveraineté des peuples, etc. Donc notamment un juif comme Sapir, ce pseudo-économiste à la mort moelle-neuve. Qui est d'origine juive, hein, mais qui est un agent du Parti communiste français, qui a toujours été dans la roue de l'Union soviétique et qui a continué à essayer de tapiner par la suite par réflexe. Et le jour de l'invasion, il s'est complètement couché, quoi. C'est-à-dire qu'il était là, je condamne absolument. Enfin, il a dégueulé tout ce qu'il pouvait dégueuler. Et on a vu qui étaient ces gens, quoi, qui faisaient semblant de broder la multipolarité, etc. C'est des phraseurs, ça, quoi. C'est-à-dire qu'à la minute où ils ont vu qu'ils risquaient gros à Paris, socialement, ils se sont pissés dessus, quoi. Voilà. C'était très intéressant. Donc, je ne suis pas du tout étonné qu'à droite et à gauche, on ait vu des gens complètement se transformer. Et, désolé d'y revenir, mais Zemmour qui prétendait être un ami de la Russie, etc. Machin. Bon, bah, c'était terminé. C'est-à-dire qu'il a condamné le truc. Enfin, ils se sont tous couchés. J'ai trouvé ça absolument odieux. Enfin, quand on est macroniste ou quand on défend l'ordre en place, etc. Bon, bah, c'est facile. Enfin, on condamne et on est en cohérence. Mais ces mecs-là qui avaient passé leur vie à essayer de courtiser les Russes. Les Russes, on peut mesurer ce que ça valait. Hein, je veux dire, voilà. Donc à cette occasion-là, c'était intéressant. Alors moi, je reste quand même sur Zelensky pour son rôle de catalyseur historique, je crois, le rôle de bascule qu'il est en train de jouer, et puis activement en plus, parce qu'il appelle à la radicalisation en permanence. C'est-à-dire qu'il en veut toujours plus. Là, les Allemands lui disent voilà, on va. Enfin, les Allemands, les Américains, ont vraiment doublé les Allemands sur ce coup-là. Vous avez vu, les Allemands avaient dit on veut bien donner des tanks. C'était une polémique qui a été complètement organisée par la clique de Kiev et les Polonais. Ils ont créé ça sur les réseaux sociaux. On veut des tanks, on veut des tanks, on veut des tanks, les chars Léopard allemands, quoi. Ça a été créé sur Twitter. En 15 jours. Ils avaient ça en stock depuis un moment. Ils ont lancé ça comme ça massivement. Les autres ont fait semblant de céder à la pression. Les Allemands qui résistaient ont dit non, mais nous on y va que si les Américains ils donnent des tanks. Les Américains, d'accord, ok, on donne des tanks. Ils font une annonce, on va donner 30 tanks. Les Allemands disent ok, banco, alors on donne le feu vert aussi, ceux qui ont des chars allemands peuvent les livrer, etc. On assurera la maintenance, on fournira les pièces, et nous-mêmes on va en livrer tant. Le lendemain, les Américains déclarent ah ouais, mais en fait, on n'en a pas. Il va falloir qu'on les construise. Donc, ça va prendre du temps, hein, vous comprenez, on est un petit peu à court de pièces, donc voilà. Donc, on reviendra vers vous en Ukraine, là, dans un an. Voilà. Alors, faut savoir, évidemment, que les Américains ont à peu près l'équivalent de 3500 tanks en stock. Abrams, hein, ils ont des 3500 tanks en stock. Ils peuvent les déployer quand ils veulent, il n'y a pas de souci, quoi. Des tanks Abraham. Ouais, Abraham, en plus. Du nom de ceux qui défendent. Voilà, voilà. Mais ils les ont. Mais en fait, les Allemands ont fait de la résistance. Ils ont dit non, on n'y va pas seul, on y va que si les Américains y vont. Les Américains ont dit oui, enfin, les Juifs ont dit oui, bien sûr, on y va, d'accord. Les Allemands ont dit bon, et hop, les autres, le lendemain, ils se retirent du deal. Ok, personne ne va gueuler parce que c'est les Américains, donc voilà. Et les Allemands, ils se retrouvent pieds et poings liés, ils ont dit feu vert. Il y a déjà les tanks qui sont en route parce qu'ils sont dispatchés. Vous savez, il y a Pourquoi ça compte? C'est parce que les Allemands produisent beaucoup de tanks. Il y a environ, je crois, 1500 chars Léopard dispatchés au sein de l'OTAN. Donc, ils ont produit beaucoup de tanks. Donc, comme c'est un modèle très répandu, assez efficace, et dont la maintenance est assurée par les Allemands, avoir le feu vers l'Allemagne est absolument indispensable. Les chars Leclerc, ça ne sert à rien. Et t'en donnes 20, ça ne fait aucune différence en champ de bataille. Donc, ça ne sert à rien. Il n'y a pas la masse critique. Le char Léopard, c'est complètement différent. Donc, il y avait besoin de ces tanks-là. Voilà pourquoi. Et donc, les Juifs ont complètement roulé dans la farine les Allemands. Ils n'ont rien vu arriver, ou pratiquement rien vu arriver, ou en tout cas, voilà. Et à chaque fois, c'est le Zelensky. Et le Zelensky dit, ouais, ok, d'accord, merci. Alors, il a envoyé un tweet de remerciement à Scholz, mais dans la foulée, il a dit, maintenant, je veux des avions de chasse. Ça n'a pas attendu 12 heures. Pas 12 heures. C'est des techniques de brouteurs ivoiriens, tu sais, ils appellent leurs victimes. Oui, je sais, mais c'est éprouvé par 2000 ans d'histoire, quand même, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, après, moi je pose la question, on se demande vraiment pourquoi ils sont fait expulser de partout, hein. Bon. Alors voilà, alors il dit voilà, moi je veux. Alors il a dit des avions de chasse et des missiles à longue portée. Et pourquoi des missiles à longue portée, d'après vous? C'est bon, faut pas un dessin. Ils veulent envoyer des missiles sur Moscou, ok. Mais des missiles à longue portée, c'est intéressant, mais on peut y mettre des machins dans les missiles à longue portée, vous voyez ce que je veux dire? On peut y mettre des trucs, quoi, je sais pas. Des armes bactériologiques, des virus, je sais pas quoi, vous voyez, surtout qu'on est accoutumé aux virus en ce moment. Donc, ok, donc voilà. Et à chaque fois, c'est le Zelensky, il est là, il est à la pointe, vous voyez. Alors, c'est vrai que c'est pas lui qui décide de tout, certainement. Mais c'est l'homme qui va faire basculer le truc vers la crise majeure, quoi. En tout cas, de mon point de vue. Donc, je ne me voyais pas ne pas remettre à Zelensky son étoile jaune. Il la mérite trop pour savoir refuser. Alors, on a un problème, messieurs, c'est qu'on n'a pas le même candidat et il faut qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas inflexible, hein, mais c'est compliqué, quoi. Donc, comment c'est qu'on fait dans ces cas-là? On organise une rafle On peut faire ça, oui. Non, mais je me rallie à tes arguments parce que, effectivement, si, disons qu'en plus, sur la question, on dit c'est de l'année 2022. Si on réfléchit à 2022, on pense plus guerre en Ukraine plutôt que, voilà, la finance internationale, c'est un effort de fond. Ça fait des années qu'ils font ça. Non, effectivement, Zelensky, pour tout ce que tu as dit, c'est la figure de proue de tout ça. C'est le marchand du temple en puissance. Voilà, c'est bon. Et puis, il a une tête tout à fait détestable, donc ça lui ira très bien. Je voulais simplement noter, dans la continuité de ce que tu as dit, je pense qu'effectivement, il faut marquer le fait que l'Occident transfère des tanks à l'Ukraine, puisque au début du conflit, l'Occident vendait la chose en disant « Non, mais attendez, nous on aide, mais que sur du défensif, etc. » Le transfert de tanks, c'est une nouvelle étape dans l'escalade. Pour moi, c'est une nouvelle étape. Il faut la marquer. Et comme tu dis, le marchand hébraïque, quand il a vu ça, c'est le pied dans la porte. T'as accepté de me donner des tanks, donne-moi plus. Et je pense que voilà, rien que pour ça, effectivement, il mérite le titre. Je me rallie à ton avis. Faut rappeler que Biden, quand on lui avait posé la question en 2022, hein, c'était dans les premiers mois de la guerre, quand on lui avait demandé mais l'aide américaine aux Ukrainiens, etc., est-ce que ça peut prendre la forme justement d'avions de combat, une aide lourde en fait pour des machines de guerre lourdes, quoi. Il avait dit non, mais des chars américains en Ukraine sur le terrain, c'est la troisième guerre mondiale. Je veux dire, vous mettez les déclarations de Biden à 6 mois d'écart l'une face à l'autre, et vous avez le constat, vous avez le constat de ce qui se produit, quoi. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, est-ce qu'on peut s'entendre sur une victoire de Zelensky, mais une place de numéro 2 au plan national de Zemmour, alors à ce moment-là? Est-ce que c'est faisable? J'entendrai parfaitement un tel compromis. D'accord, bon. Intéressant, intéressant, intéressant. Zelensky, Zemmour, ça commence par Z, et ça finit aussi mal. Ça, c'est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. D'accord, ok, bon, bah écoutez, on tient notre salle juif de l'année. La concurrence était rude, mais après, il y a une question de ligue, en fait, une question de niveau, hein, c'est vrai. Mais quand on met des Raphaël Glucksmann, c'est... Personnellement, en fait, moi, je... même si rationnellement, je pense que Zelensky est beaucoup plus nuisible, je dois dire que quand je vois Glucksmann, il y a quelque chose qui se produit de particulier, vous voyez. C'est dans... je réagis pas tout à fait pareil devant mon écran. Je sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez cette réaction... physique. C'est viscéral. Ouais, voilà, physique face à des gens comme Glucksmann. Ou est-ce que c'est un autre juif qui suscite chez vous cette espèce de réflexe? C'est intéressant, ça. Est-ce que vous avez un... Bah, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas quand ils jouent leur partition, parce que finalement, on sait, ils ont évolué pour nous faire ça, pour être nos prédateurs, en fait, mentaux, essayer de nous faire des hold-up. Mais les ficelles sont tellement grosses. Que moi, ce qui me rend le plus fou, c'est de voir les gens soutenir ces propos, les partager, commenter sur les réseaux comme si c'était parole d'évangile. Moi, ça me fait vriller, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais, ça me rend malade aussi. Ouais. Bah, c'est pour ça que les Juifs, ils en rigolent. Hein. Ils disent c'est tellement facile avec les goïms, quoi. C'est tellement facile avec eux, quoi. Il y a de ça, hein. Faut pas rêver, hein. Enfin bon, Zelensky, sale juif de l'année 2022, il faut dire qu'il a mis la barre très haut. Qui sera le sale juif en 2023? J'espère pas lui, j'espère qu'il va pas faire mieux que l'année dernière. C'est ça. Ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être compliqué. Mais les juifs s'illustrent, hein. Parce que moi en 2021, je crois que j'aurais choisi Bourla. Oui. Pour oui, des raisons évidentes. C'est ce que j'aurais dit aussi pour la haut la main aussi. Ouais, haut la main, Bourla, c'était vraiment le juif de l'année 2000. C'est marrant, à chaque fois il y a une grande crise mondiale, il y a un juif. C'est marrant, hein, c'est bizarre. Hein. Oui, oui. C'est étonnant, je veux dire. Voilà, c'était voilà, 2021, c'était Bourla avec son Covid, enfin son vaccin. Puis je me demande si on pourrait pas faire ça pour chaque année depuis au moins 1850, au moins. pour avoir du succès. Si on était vraiment jusqu'au boutiste, on pourrait même faire le sale juif du mois. Hein, je veux dire, bon, des fois on s'amuse avec le sale juif de la semaine, mais oui, enfin, c'est jamais trop un problème. Hein. Mais non, mais là, bon, on prétend pas être très original avec la clientèle, mais qu'est-ce que vous voulez, les juifs, voilà, c'est des valeurs sûres. Hein, on n'est jamais trop déçu. Hein, on est souvent averti très longtemps à l'avance. Hein, voilà. Mais on va voir 2023, sous quel angle, quel problème, qu'est-ce qu'ils vont susciter. On ne sait jamais, parce que ça peut être... Un jour, c'est une épidémie. Le lendemain, c'est une guerre. La fois suivante, c'est quoi? Une famine? On ne sait jamais trop. Hein. Je veux dire, c'est les sept plaies d'Égypte, on ne sait jamais. Voilà. Il faut comprendre, les sept plaies d'Égypte, c'est ça, en fait. Hein. C'est les Juifs qui punissent les Égyptiens d'avoir voulu résister à leur prédation. Si jamais vous n'avez pas compris le vrai sens de la Torah. Parce que, bon, l'Ancien Testament, on appelle ça l'Ancien Testament, c'est une forme que les gens ne comprennent pas. C'est la Torah. Hein. Donc, dans la Torah, où les Juifs racontent, en fait, leurs mauvaises expériences à travers l'histoire, qu'ils ont tué, c'est ça. Donc, ils disent tout le mal qu'ils pensent des Égyptiens, hein. Voilà, qui aurait marqué une certaine forme d'antisémitisme. Il leur souhaite toutes les misères du monde. Alors les sept plaies d'Égypte, en fait, c'est ce que veulent faire endurer les Juifs aux gens qui n'aiment pas. Hein. Donc là, vous avez que l'embarras du choix. Hein. Donc vous avez les pluies de sauterelles. Les non-Juifs. oui, voilà, les pluies de sauterelles, les maladies. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Donc quelle sera la prochaine plaie? En plus des Juifs, je veux dire. Donc on a eu la guerre et on a eu la maladie. On va regarder ça de très près et on verra la prochaine. La sécheresse. Apocalypse nucléaire. Voilà, les ondes radioactives. Le ciel s'obscurcit, il fait noir, il n'y a plus de lumière, tu vois. C'est voilà, oui, non, c'est juste les juifs balancent des bombes nucléaires. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là-dessus, hein, pour cette semaine. Et, bah, en tout cas, on tient notre salle juif. Bah, toutes nos félicitations, du coup. Est-ce qu'on pourrait la voir, vous croyez, en direct sur le TF? Ça peut être sympa, ça. Non bah, je crois pas qu'il y ait joué. S'il y a pas on de fric à gratter, elle viendra pas. Non, sinon on pourrait demander à l'acteur américain là qui lui avait remis un trophée, lui demander s'il peut pas lui en remettre un deuxième. C'est Sean Penn. Exactement. Qui est laid et juif. Il est juif aussi, Sean Penn. Ah, c'est incroyable, hein, c'est le monde est petit. Incroyable. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.